Allez, salut à tous, c'est parti pour le podcast numéro 2 de Loisirs Numériques. On est tous là, bien au taquet. Ce soir, une émission bien spéciale avec un invité, notre cher ami Rouxos, qui est là parmi nous. Il y a avec nous aussi, il y a Gauthier, évidemment. Salut. Oula, tu fais ta grosse voix. on est aussi avec Gérald. Bonsoir tout le monde. On est aussi avec Akeron. Salut. Et mon fidèle acolyte, Happy Meal. Salut tout le monde, comment ça va? Eh bah écoute, ça va. Ça va bien, on est au taquet. Enfin personnellement, moi je suis au taquet pour ce soir là. On est à fond, on a un bon programme. On va parler, tout d'abord on va faire quelques news que nous ont préparé Gauthier et Akeron sur des sujets dont je ne sais pas trop encore de quoi on va parler, mais on verra bien. Et après on aura... Le mystère. Ouais, le mystère plane. Après on aura une grosse partie consacrée à Street Fighter V, la grosse sortie de février. Donc on va dire que c'est un peu quand même le jeu de base de Loisirs Numériques, c'est un peu Street Fighter, donc on va consacrer une grosse partie du podcast, enfin une bonne partie du podcast à Street Fighter V. Et après on aura une bonne moitié de podcast consacrée à notre invité Rouxos, où on parlera de musique et de jeux vidéo appliqués à l'école et tout, parce que bon, vous le verrez, Rouxos est prof et il utilise le jeu vidéo dans ses cours. Donc ce sera super intéressant de parler de tout ça. Ne partez pas encore. Ne partez pas. Il est prof, mais il est sympa. Il est quand même sympa. Voilà, c'est ça. J'ai vu qu'il renversait les poubelles sur les classeurs de ses élèves cette semaine. Donc... Une méthode comme une autre, d'un projet de l'autorité. Ouais. On en profite pour dire bonjour au chat. Hein. Évidemment, si vous avez des choses à dire, vous pouvez aussi réagir sur Twitter en utilisant le hashtag podcastLN. On lit vos tweets et puis bah on est parti. Alors pour votre première actu, on va commencer par Gauthier, je crois, qui va nous parler de réalité virtuelle. Mais bah, avant ça, je balance un petit jingle. Le jingle qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Que se passe-t-il? Pour cause de brutesse, le podcast sera entièrement bruté à la bouche. Tout à fait. Donc, un jingle qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça marchait il y a 2 minutes. Bref, on va continuer, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas très grave. Alors, Gauthier. Ouais, c'est ça. Gauthier, je crois que tu voulais nous parler de réalité virtuelle, de l'Oculus, exactement. Et de tout ça. C'est un peu mettant. Vas-y. Alors, en ce moment, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que il se passe à Los Angeles le VR Summit, en fait, qui est donc le salon sur la réalité virtuelle que tout le monde attend, ou que les gens arrêtent d'attendre parce que c'est censé tout est censé sortir cette année. Et du coup, il y a eu des annonces, mais donc avant ça, donc on a eu le mois dernier la révélation sur l'Oculus, donc qui sortira à $600. Avec une manette et la caméra de tracking, si je dis pas de bêtises. Et sauf que $600, bah en fait, les gens se sont dit, ouais, c'est vachement cher. Enfin, $600 exactement dollars, mais en euros, ça fait 700. C'est la conversion. Ça fait 750 euros à peu près. Avec les frais de port, ça fait 740 euros. C'est la conversion qu'on comprend pas comment elle marche, mais ça marche comme ça. Ils ont fait leur conversion spéciale. C'est une conversion magique. C'est ça. Et Vive, du coup, a profité du salon pour annoncer. Le prix de leur matos, donc le Vive avec les deux manettes, parce que l'Oculus sortira ses manettes aussi, mais plus tard. Et là, donc le Vive avec ses deux manettes qui coûte $800. Ah oui, quand même. Plus les deux caméras. Sauf, bon, le Vive, on peut se déplacer avec, donc ça, c'est assez cool. Deux PS4. Mais il faut 25 mètres carrés, je crois, un truc comme ça, pour se déplacer. Qui est assez genre dans un studio parisien, c'est mort, quoi. C'est ça. Ça dépend de ton loyer, quoi. Et du coup, bah, en fait. Tout le monde attendait la VR pour 2016, et je pense qu'à ces tarifs-là, c'est mort. Je pense que la VR ne se démocratisera pas cette année à un prix pareil. Moi, je suis clairement d'accord. C'est sûr qu'à 800$, 700 ou 800$, c'est pas en 2016 que le grand public va se payer des casques de réalité virtuelle. Hein. Ouais, exactement. Et même moi, j'attendais la technologie depuis la première annonce de l'Oculus, je crois que c'était en 2012 déjà. À l'époque, les kits de développement coûtaient 250 euros, donc c'était presque abordable, on va dire. Et du coup, moi, j'étais impatient, et maintenant, je sais que 2016, c'est mort. Donc 2016, pas de VR. Mais il y a quand même d'autres solutions. Il y a quand même d'autres solutions avec d'autres prix qui sortent, heureusement. Mais hormis le prix prohibitif des casques VR, enfin, personnellement, ce qui va vendre les casques, c'est les jeux. Et pour l'instant, j'ai rien... Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ce soit les jeux, parce que... Le salon, il montrait qu'il y a beaucoup de choses aussi. Il y a des producteurs de films, il y a vraiment tout un univers qui peut se développer grâce à la réalité virtuelle. Mais, au final, le jeu vidéo, c'est juste un... Il faut réussir à amener la technologie. Oui, ouais, c'est ça, le jeu vidéo, il y a un des futurs des jeux vidéo, je pense, qui se situe dans la VR. Il y aura des trucs qui seront incroyables, il y aura vraiment un truc super. Le premier public visé, c'est quand même le gamer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas des jeux qui... Voilà, il n'y a pas des jeux... Ça a été vendu là-dessus pour les gamers à la base. Au début, ça a été marketé comme ça. Et c'est vrai qu'on s'attendait que l'Oculus soit la première machine qui puisse démocratiser ce genre d'appareil. Mais le fait est qu'en fait, les joueurs, c'est une petite partie. Ça va certainement plus servir à, voilà, comme tu viens de le dire, au cinéma, à la médecine, peut-être pour... Mais ça prendra du temps, je pense que ça prendra. Ça va commencer avec un marché de niche, quoi, si c'est si cher. Bien sûr. Ouais. Mais c'est peut-être les smartphones. Peut-être les smartphones qui vont en profiter du coup. Le cardboard de Google et aussi Oculus qui a sorti sa solution. Le truc au carton, quoi. il faut quand même la gerbe au bout de 2 minutes. Hein. Il est quand même pire que tout, quoi. J'ai essayé des trucs, il y a des trucs qui sont assez bien. Mais sinon, il y a aussi PlayStation qui va se situer, je pense, sur une gamme de prix un petit peu inférieure avec. C'est pas dit. Après les premiers retours qu'on a, ce serait aussi dans les mêmes zones de prix. 500 okay. balles, 600 balles, enfin voilà quoi. Avec un petit boîtier, du coup c'est ça. Ah que ouais, il y, que... y a ça, si c'est qu'il y a un petit boîtier supplémentaire. Il y a un boîtier en plus, ouais. On sait pas où ça va aller quoi. Donc, c'est un peu fou pour le moment. On se demande s'il va pas y avoir une nouvelle version de la console aussi qui inclurait le boîtier. Au salon de Los Angeles, ils ont bien montré le. En fait, c'est un boîtier en plus qui se branche sur la PS4. Apparemment, le boîtier, c'est ça va être un GPU de plus. Ça va être du hardware de plus parce que la PS4 toute seule peut pas faire tourner la VR, c'est clair. Je pense que c'est peut-être le dernier espoir qu'il y a de la VR de se démocratiser cette année. C'est si Sony se place à un prix compétitif. Sinon, ce sera. Faudra attendre déjà 2017, je doute. 2018, il y aura des baisses de prix déjà qui vont commencer forcément parce que les gens essaieront de se placer dans les bourses, dans les bourses du public. Mais non, je pense que du coup, la VR, on nous l'avait annoncé pour 2016 et je pense que la VR en 2016, il y a peu de gens encore qui y voudront. Elle arrive en 2016. Mais après, c'est le problème. C'est le problème de toute nouvelle technologie, c'est que le prix au départ est forcément plus élevé que les attentes des consommateurs. Non, mais je reviens là-dessus, il faut qu'il y ait quand même des supports, des trucs qui donnent envie d'acheter, quoi. Parce qu'on voit le Kinect, c'était pas si cher que ça, mais il n'y avait rien qui profitait du Kinect. Et donc ça s'est planté misérablement. Et le VR, faut pas que ça fasse l'effet Wii ou quoi. Oui, sauf que le VR serait sorti beaucoup moins cher. Je pense que déjà, même s'il n'y avait pas forcément énormément de contenu dessus, les gens l'auraient acheté. Le souci, c'est que si c'était moins cher, on aurait eu du matériel pour AV, en fait. C'est ça le problème. Ouais, peut-être. Démocratiser. Il y aurait plus de contenu, parce que ça engage. Je sais pas, parce que les gens l'achèteraient, mais bon, si t'achètes un hardware qui est certes pas cher, mais qui te fout la gerbe, ça marchera pas. Ce qu'il faut pas oublier de préciser, c'est que pour faire tourner ces casques VR, il faut des PC à 1500 balles. Il y a ça aussi, c'est le casque qui vaut 700 euros, mais il faut un PC derrière, il faut un PC de brut, il faut un PC à 1500 euros, 1600 euros. J'ai testé l'application Steam là pour voir si le Vive il tournait chez moi. J'ai un PC que j'ai acheté il y a un an et demi, 1800 euros, ça tourne pas. Il faut que je change ma carte graphique, il faudrait que j'ai une carte graphique plus on en a pas, plus récente. On en a pas parlé, mais Nathalie Dier vient de préciser dans le chat, effectivement, le porn, ça va déjà faire... Je suis pas sûr que le porn, ça va vraiment être effectif. Ça va pas être géré, mais si ça marche, en tout cas, c'est sûr que l'industrie du porno va beaucoup en profiter. Voilà, je pense. Ça va pas attirer les gens à payer 700 balles pour se mater un porno. voilà, je pense pas qu'il y ait des gens qui vont voilà qui vont s'acheter un casque à 700 euros pour pouvoir mater des pornos des pornés. Je pense que t'es un peu trop optimiste. Ouais, je pense aussi. Ouais. Si tu penses à la VHS ou Internet, ça a beaucoup été démocratisé par le. Ah mais c'était pas le même genre de tarif quand même. C'était pas un truc où qui vont te coûter quand même 2000 euros au final. C'était non mais pas... l'HD, même, ça fait même l'HD, même les Blu-ray, même hein. Les premiers lecteurs Blu-ray, ben, ça coûtait 2000 euros, mais ça s'est démocratisé quand c'est tombé autour des 800-900 euros. Enfin tout compris, la VR c'est un budget de 2000 euros quoi. C'est faut quand même se rendre compte, 2000 euros pour les gens c'est quand même beaucoup à sortir. Hein. C'est peut-être pour ça que que Sony va faire peut-être un bon coup, parce que vu qu'il y a déjà beaucoup de le parc de c'est PS4 est vachement large. La plupart des gens ont une PS4, donc ils auront peut-être juste à acheter un casque et pas le PS4, la boîtier, le casque qui va certainement coûter une fortune. Vu que la plupart des gens, enfin la plupart, hein, beaucoup de gens ont une PS4, finalement acheter un casque sera peut-être beaucoup moins cher que, enfin ça sera beaucoup moins cher que racheter un PC, etc. Quoi. C'est la seule inconnue en fait. Pour nous, ça, moi j'ai juste une petite question. En dehors des restrictions techniques et du prix, est-ce que cette technologie vous intéresse vraiment? Ah ouais. Parce que moi personnellement, enfin je vais mettre la petite parenthèse, je suis extrêmement sensible à la motion sickness. Hier j'ai joué à un petit jeu qui date de 95, j'ai dû m'allonger et j'ai été malade toute la nuit. Donc là je sais que moi c'est mort, c'est juste mort. Date de 95. Ouais, c'est pour dire. Ouais, personnellement la VR ça m'intéresse pas, mais c'est qu'un avis personnel. Je l'ai testé deux fois, l'Oculus, donc c'était le DK1, donc c'était le premier proto, donc était un peu moisi. Moi franchement ça m'a fait une petite claque quand même. Genre je me suis dit, ah putain, il y a des trucs à faire quoi. Il y a une vraie sensation d'immersion. Genre j'ai eu le vertige dans un jeu, ce qui m'était jamais arrivé. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Après, du coup, j'étais ultra intéressé. Mais c'est vrai qu'une fois que voilà, une fois que le prix a été annoncé, j'ai pas la machine pour le faire tourner. C'est sûr que ça m'a refroidi quoi. Ça va vraiment dépendre de l'expérience. J'ai testé l'Oculus il y a 2 ans avec War Thunder, donc un jeu d'avion, et ça m'a foutu la gère parce que forcément c'est encore pixelisé à la mort. Mmh. Et quand t'es pas habitué à ce truc de là, bah au bout de 30 secondes c'est vertige, sueur, etc. Par contre, au Paris Games Week, j'ai testé le PlayStation VR avec la démo de London Heist, et même si graphiquement c'était pas top au niveau puissance comparé à l'Oculus ou HTC Vive, l'immersion était déjà là. Mm-hmm. Donc, moi j'ai testé juste sur le téléphone là, le truc de Samsung, et c'était, enfin ça déjà c'est sorti en décembre, mais du coup ça marchait assez correctement. Mais même moi la technologie je l'attends depuis je vais pas dire depuis toujours, mais quand ils ont annoncé le premier proto de l'Oculus sur Kickstarter, moi j'étais fou quoi. Je me disais, ça y est, il y avait des mecs, tu les voyais sur l'Omni, la plateforme où tu peux marcher. Ils jouaient à Skyrim. Moi c'était l'époque où je jouais à Skyrim. Enfin, c'était bon quoi. J'achetais ça et puis je sortais plus de chez moi. Non, faut pas abuser. Ouais, mais je suis pas sûr que ça apporte vraiment dans ton jeu. C'est un peu immersif, mais. Moi j'ai testé sur Elite. C'est vrai que t'as un petit côté waouh. Mais personnellement, au bout d'une demi-heure, j'en avais marre, j'ai enlevé le casque, quoi. Ah, ça, par contre, c'est un problème, tu vois. Voilà. Parce que faire des grosses sessions, c'est peut-être un peu compliqué. Bah, c'est le même problème avec la 3DS. Quand on regarde, il y a beaucoup de gens qui jouent sans la 3DS. Sans la 3DS. Il y a 95% des gens qui jouent sans la 3D sur la 3DS. C'est différent. Au niveau technologie émergente, la 3DS n'avait jamais été fait avant. Là, ici, on a quelque chose qui n'a jamais été fait avant aussi. Est-ce que ça va vraiment marcher? Si, ça a été fait. Tu oublies le Virtual Boy. Je déconne. Il y en a eu d'autres. Oui, sur Master System, il y avait déjà un système de casque virtuel. À l'échelle, je veux dire. Ça n'a pas été fait, mais à voir. Non. Donc, bref, à voir si ça va prendre. On verra ça plus. C'est la question qui reste en suspens pour cette année 2016. Eh ben, je te remercie Gauthier. On va passer maintenant avec Akeron qui va nous parler, je crois, d'un collector super cher. Dis-nous tout. Ouais, je vais parler d'édition collector en fait. Alors on parlait des casques VR qui sont à des prix prohibitifs, on va dire. Et ben j'ai fait un petit point sur les éditions collector de jeux qui coûtent une blinde, j'ai envie de dire, mais même pire que ça. Alors récemment, on a Techland qui vient d'annoncer un nouveau collector pour Dying Light, son jeu. Son survival parcours, mais avant ça, il y a eu des collectors annoncés à plusieurs milliers de dollars. Je fais un petit récapitulatif vite fait. Alors aussi long que je suis remonté, je crois que ça a commencé avec Grid 2, le jeu de course, qui annonçait déjà un collector à 145 000 euros. Donc c'est pas trop mal compte tenu du contenu. Donc on avait alors à ce prix-là, t'avais une combinaison de pilotes et t'avais surtout la voiture de course aux couleurs du jeu. Donc t'avais une vraie supercar. Alors tu vas forcément rester dans ton garage si t'as pas les moyens d'aller sur un circuit de course. Mais voilà. Après on a eu Saints Row 4 qui a fait un gros collector lui aussi. Alors je l'ai tapé déjà beaucoup plus haut puisque lui il est allé à 1 million de dollars. Waouh. Normal. Alors avec ça t'avais bon je passe tout ce qui est jeu contenu digital etc. Mais bon il y avait c'est au moins filé avec. Mais bon, t'avais les journées de formation de sauvetage, des journées de formation espionnage, une semaine au Burj Al Arab de Dubaï, une semaine pour deux au Jefferson Hotel de Washington, vol en première classe, si tu voulais, bon, tu pouvais faire de la chirurgie plastique. T'avais une Toyota Prius avec un an d'assurance et une Lamborghini Gallardo. Ah, il y avait pas mal. Ah, pas mal. Ouais, c'est duc au final, c'est moins cher que le total, c'est pas. Et est-ce que c'est un vrai avantage quand dans ton CV c'est marqué formation d'espionnage je sais pas à quoi ça peut servir, mais bon, pour un petit kiff comme ça, c'est marrant. Mais est-ce que ça a été vendu, au fait, cette édition collector? Je sais pas, mais bon, si quelqu'un a suffisamment d'argent à ce niveau-là, tant qu'à faire, il peut déjà d'une part me le donner, parce que. donner à loisir numérique. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il peut le donner à loisir numérique. Pour plus de moyens pour nos diverses actions. Et bon, sinon, j'en reviens donc à Dying Light qui annonce un gros collector. Je n'annonce pas le prix tout de suite parce que c'est pas son premier en fait. Pour Dying Light, il avait déjà fait un collector l'année dernière qui était lui à 250 000 dollars. Donc avec la conversion magique, on arrive à 350 000 euros à peu près. Et dedans, il y avait. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait un abri anti-zombie à ce niveau-là. Oh, excusez-moi, c'est une erreur technique. Excusez-moi. C'est déjà la pause. Ça prononçait le mot magique, zombie, bam. Voilà, la musique, voilà c'est ça. T'as le boom. T'as le jingle qui se lance tout seul. Ça va. Au moins le jingle marche, ça c'est cool. C'est voilà, c'est réglé. Donc ça, c'était pour le premier collector donc de Techland. Donc il y avait donc cet abri anti-zombie, la possibilité de visiter les studios des développeurs avec le voyage en Pologne qui était offert. Et donc là, pour ce deuxième collector, donc c'est à 10 millions de dollars. Pas mal. 10 millions de dollars. Donc, 10 millions de dollars pour un collector de jeux. Tu peux le redire encore une fois? Voilà. Donc je le dis, c'est un prix donc à 8 chiffres. 10 millions de dollars. Il faudrait qu'on l'ait ce collector pour une brocante Je Donne. Ce serait pas mal. Voilà, c'est ça. On revend 2 euros. Et puis on revend 2 euros. Voilà, le gars est super content. Ah, c'est Je Donne, c'est 2 euros. C'est toujours 2 euros. Petite pastille, 9 euros. Bah, surtout que physiquement, pour le collector, t'as 4 versions de Dying Light. Donc c'est toutes consoles confondues. Mais ce que vous avez surtout, c'est un rôle secondaire dans Dying Light, le film. Donc au passage, je vous annonce qu'il va y avoir le film qui est en préparation. Des leçons d'acting par Roger Craig Smith. Alors le nom vous dit rien comme ça, mais en fait c'est la voix du personnage principal du jeu, Kyle Crane. Mais sinon vous l'avez sûrement entendu en jouant à Resident Evil, puisque c'est la voix de Chris Redfield. Pour les fans d'Assassin's Creed, c'est la voix d'Ezio Auditore. Ok, 10 millions j'ai ça, voilà. Donc 10 millions le rôle. J'ai ça sur mon livret A, c'est bon, ça marche. Bah, je pense. Participation à la promo du film avec les voyages en première classe, caravane personnelle, entraînement au parcours, participation aux séquences de course off-road, copie du script, ticket VIP, session maquillage, etc. Donc 10 millions pour ce collector-là. J'ai envie de poser la question, à part faire parler du jeu, qui va pouvoir se payer un collector à ce prix-là? Il y a toujours des gens pour se payer des trucs, c'est ça? Un Qatarien? Un émir du Qatar, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a toujours des gens pour acheter ces trucs-là. Et les éditeurs ont bien raison de faire ça. Je provoque un peu en disant ça, mais il y a toujours des mecs qui seront là pour payer. Donc, s'il y a des débiles pour payer 10 millions dans un truc, je pense pas qu'il y aurait quelqu'un pour le payer. Mais justement, tu disais à part faire parler, moi, je pense que justement, enfin, ils sont très peu à faire. Ils sont très peu à faire et le font pour Dying Light. Et ils ont bien raison parce que ils font parler du jeu. Et tant mieux, quoi. Et ils arrivent même à annoncer la sortie du film, alors... tu vois. Vous pensez que ça fait une bonne communication de, d'annoncer des collecteurs à ce prix-là? Parce que moi, ça donne, ça ne donne pas une bonne image, je trouve. Non, c'est sûr. Mais... Moi, perso, c'est pas le collecteur qui me fait rêver. Personnellement, j'en avais pas entendu parler de ce collector, donc je pense que la communication là-dessus doit être plutôt light quand même. D'avoir, bah, si vous voulez, après, ce genre de collector, généralement, on le trouve sur le site de Game UK. C'est généralement eux qui annoncent les collecteurs de ce genre. Mais pour rebondir à ce qui était dit sur l'image, moi par exemple, j'attends Dark Souls 3 avec une certaine impatience. Et quand j'ai vu l'édition 400 euros le collector de Dark Souls 3. Ah ouais, l'édition Prestige c'est 800 dollars. Avec la grande figurine de 40 cm là, c'est 400 balles là. Tu fais non. Déjà, je trouve ça fou. Mais qu'il y ait des gens qui sont prêts à mettre 2, 3, 4, 10 000 euros. Pour certaines collectors et dans certains cas extrêmes, le million, voire les 10 millions formidables. C'est des prix qui sont hors de portée pour nous. Mais c'est une vanne. On appelle ça collector, mais ouais. le mec qui peut dépenser autant d'argent là-dedans, c'est pas pour acheter une collector, c'est parce que c'est un fan du studio, c'est un peu une sorte de mécénat entre guillemets quoi. Un gros don au studio qu'il adore. Dans cette veine-là. En plus de ça, il se paye une expérience. Là, tu vois, il se paye un rôle dans un film, du truc de parcours. Enfin voilà quoi, le mec, il a les moyens, il se paye une expérience. C'est une recherche de production en fait. C'est pas plus que ça. Je pense pas qu'ils le sortent en se disant ouais, ça, il y a quelqu'un qui va l'acheter au final. Je suis sûr qu'ils l'ont. Quand c'est sur des centaines de milliers d'euros, je pense qu'ils veulent le vendre. Après, quand on a vu évidemment sur 1 million, 10 millions, effectivement, il y a peut-être un doute là. Ça me paraît douteux. Après, peut-être, si ça se trouve, c'est vendu et tant mieux, mais au final. Parce que du coup, ça va. Je pense pas qu'ils le mettent dans leur budget prévisionnel, tu vois. Ils disent là, il y a un trou de 10 millions, du coup, je propose qu'on maquille un mec et puis on lui fait payer 10 millions, quoi. Tu mets ça en budget marketing. C'est un peu la même chose que les Kickstarter où on voit des pledges à 10 000 dollars ou 5 000 dollars, ouais. Des trucs comme ça. Ça reste réaliste encore. Ça reste réaliste, les pledges à 10 000 dollars. Ouais, pledges à 10 000 dollars juste pour pouvoir passer une journée avec les développeurs, c'est quand même. T'as plus de gens qui peuvent dépenser 10 000 dollars que de gens qui peuvent dépenser 10 millions. Bah, il suffit de regarder pour des jeux qui sont pas chers. Les skins de couteau pour Counter-Strike, c'est con, mais quand on voit le prix de certains et qu'il y en a qui les achètent vraiment. Quand tu vois les skins de fusil avant les tournois, il y en a qui s'échangent à 200 dollars. T'es là, tu fais non, c'est un truc de ouf. Ah, les skins de couteau dans CSGO, 3-4 000 dollars. Ce qu'on dise tous. Même avec un désert bus, on pourrait pas. Donc, Pas encore. On en est loin. Bientôt le Desertbus à 10 millions de dollars, ouais. On y croit. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Desertbus, on vous invite à cliquer sur le lien. On vous invite à cliquer sur Desertbus. Bourrez les dons. Bon, et ben, je te remercie, Kéron, pour cette news. C'est vrai qu'il y a un collector à 10 millions de dollars. Je sais pas si ça donne envie, mais en tout cas... C'est couillu, voilà, c'est le terme. Je cherchais le terme, merci Rouxos, c'est couillu. Bah, du coup, c'est un record, quoi. On attend de voir quel sera le collector. C'est un record, le prochain, je pense que ça va être Activision qui vont nous faire un collector à 20 millions de dollars. Ou Ubisoft en sont capables aussi. Enfin, bref. Le million. Bref. On va passer donc à au gros morceau de cette actu. Enfin, c'est même pas des actus, c'est plutôt une sorte de review d'impression sur la grosse sortie de ce mois de février, c'est-à-dire Street Fighter V. Ça va être avec moi, Happy Meal et Gérald. Je lance tout de suite un petit jingle et on est parti. Alors, Happy Meal, c'est toi qui voulais nous parler de Street Fighter V. Enfin, on est trois là dans le podcast à doser Street Fighter V. Ouais, mais je pense qu'il fallait en parler de toute façon. J'ai balancé un peu le Ken's theme, le thème mythique de Street Fighter V. Je pense que je vais le doser un peu celui-là, je me tâte un petit peu. Ah, t'as envie de main, Ken. Ah, il est bon, il est bon. Il a l'air pas mal. Il a une tête chelou, mais il a l'air pas mal. Ouais, de toute façon, en plus, je me mourrais d'envie d'en parler parce que... Les amis proches ne jouent pas assez, donc voilà, c'était important qu'on fasse ce point tous ensemble. Street 5, on va peut-être commencer par les les points négatifs, on va dire, parce que bon, il y en a quelques-uns. Ah, carrément. Oui, bah, écoute, ah non, sans parler. D'accord, d'accord, on commence direct comme ça. Déjà, bah, déjà écoute, on peut dire, attends, on peut déjà dire c'est sorti il y a une semaine, le 16 février. Voilà. Oui, il est sorti le 16 février, effectivement, mais il y en a qui l'ont eu une semaine avant. Il y a des petits malins qui sont allés vendredi avant la sortie d'acheter. Il y a des petits malins qui sont allés à Répu et qui l'ont acheté avant tout le monde. Exactement, exactement. On sait qui vous êtes. Et donc on en a profité, nous trois là, donc moi-même, toi, Pimil et Gérald. On a profité là de toute cette semaine pour doser un peu le jeu et puis pour un peu se faire nos impressions au bout d'une semaine de jeu. Et ouais. Puis bah donc on va en parler. Donc toi tu voulais directement commencer par les points négatifs, moi je suis d'accord. Bah, écoute, sans donner d'avis comme ça, puis ça on découvre un petit peu. Vas-y. Il y a une première chose que j'aimerais qu'on parle parce que c'est quand même assez important. C'est l'absence d'un vrai tutoriel en fait. C'est-à-dire qu'au début, on donne un petit tutoriel qui nous dit appuie là, ça avance, appuie là, ça donne un coup, c'est pas forcément pertinent. Surtout dans celui-là, il y a de nouvelles mécaniques qui sont pas forcément faciles à appréhender, donc le V-Skill, le V-Reversal, le V-Trigger. Donc rapidement, le V-Skill, c'est un pouvoir par personnage, le V-Reversal, c'est une manière de contrer un adversaire quand on est en garde, et le V-Trigger, c'est une sorte de mode spécial qui dure pendant quelques secondes. Street Fighter V, c'est un jeu qui est vachement plus accessible par rapport à 4, et il espère rallier de nouveaux joueurs pour agrandir sa communauté. Mais en fait, il néglige cet aspect qui est tout bête, de faire un vrai tutoriel, qui est la base de tout apprentissage. Je suis d'accord. Et en plus, ce qui est un peu paradoxal, c'est que Capcom sort au fur et à mesure de très bons tutos de chaque personnage sur leur chaîne YouTube Street Fighter, mais vraiment qui sont très bien, qui expliquent l'utilisation des normaux, l'utilisation de quelques combos, etc. On pourrait dire le how to, quoi, comment fonctionne un personnage, quoi. Exactement. Donc tu vois, ils ont compris la nécessité de rendre leur jeu plus transparent, contrairement à SF4 qui est sorti en mode démerdez-vous. Enfin vraiment, moi quand je suis arrivé sur SF4, j'étais totalement perdu. Et donc oui, ils ont compris cette nécessité. Mais en fait, ils le font qu'à moitié, quoi. Ils font un tuto qui sert à rien. Ils font des vidéos YouTube, mais le jeu en lui-même, il n'y a rien qui t'apprend à jouer. Alors, je crois qu'ils ne l'ont pas oublié, mais ça devrait arriver, si je ne dis pas de bêtises. Ils n'ont pas eu le temps, je pense, de l'intégrer. Ouais, on va y revenir après, mais c'est quand même un point qui est important. C'est parce que Street Fighter V, ils voulaient quand même le sortir pour que ce soit un peu la démocratisation un peu du jeu de baston, un peu que ça soit à tout le monde, ça ne se contente pas au mec qui dose, quoi, au mec du guac. Et c'est vrai qu'ils l'ont sorti, ils ont rushé la sortie, et ça on s'en aperçoit, ils ont rushé la sortie et il manque plein de trucs. C'est un des gros points négatifs du jeu pour l'instant. C'est qu'il manque vraiment plein de trucs. Le plus gros point, je pense. C'est pas paradoxal, justement, qu'ils ciblent un plus grand public et pourtant qu'ils soient plus tournés vers l'e-sport. Bah oui, justement, ouais, ils ciblaient le grand public, ils ciblaient la mécanique. Enfin, on en parlera après dans les points positifs, j'imagine, mais la mécanique de jeu est tellement bien faite que ça te pousse à t'améliorer tout le temps. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas pensé aux mecs qui débarquaient dans le jeu. Enfin, ils y ont pensé, je pense, mais ils l'ont pas encore implanté. Ils ont pensé, ça sent, mais pas, ils sont pas allés au bout des choses, quoi. On peut quand même expliquer qu'en fait, on peut y venir, c'est qu'en fait, ils ont rushé la sortie du jeu juste pour pouvoir est-ce que le jeu soit sorti pour toute la saison du Capcom Tour et de l'Evo, etc. qui commence début mars. Le Capcom Tour, je crois que le premier tournoi du Capcom Tour, c'est le premier week-end de mars. On le sent bien, ils ont rushé la sortie du jeu pour que, en fait, le mode online, le mode versus, ça tourne. Et tout ce qui est à côté, en fait, il n'y a rien, il n'y a rien. Le mode story, il est famélique. On peut le dire, hein. Le mode story, même en laissant les cinématiques. Alors, les cinématiques qui sont méga LED. On peut le dire. Alors, ça dépend des goûts. J'ai quelque chose à dire à propos de ce mode story. Donc, pour resituer un petit peu, donc en fait, un mode story par personnage, c'est seulement 3 rounds découpés de petites scénettes. Ça dépend des persos. Il y a des fois c'est 5. Il y a des fois c'est 5, des fois c'est 2, des fois c'est 4. Alors, il faut savoir que les illustrations ont fait un peu le tour du web. Elles sont à vomir. Enfin, on va pas se toucher. Il y en a certaines qui sont pas trop mal, mais la plupart sont quand même à vomir. C'est quand même pour un jeu sorti par Capcom et notamment Street Fighter, c'est quand même assez honteux. Mais par contre, voilà, je voulais juste dire, parce que j'en veux absolument pas à l'artiste, parce que selon des bruits de couloir, en fait, le mec a dû faire ça à l'arrache pendant une semaine ou deux. C'est une commande. Donc, en fait, voilà, c'est ça, c'est ouais. Une commande qui était ultra faite à l'arrache. Et du coup, j'admire la performance au contraire du mec, tu vois. Parce que l'artiste, c'est Bengus, donc c'est un artiste qui a déjà bossé pour Capcom et qui est un très bon illustrateur. Donc en fait, il y a dû avoir une très mauvaise gestion de la part de Capcom et du coup, on a des dessins qui sont faits à l'arrache, quoi. Ouais, mais comme je disais, on sent vraiment qu'ils ont rushé la sortie du jeu pour que ce soit pour qu'il soit dispo pour la saison e-sport, quoi. Ceci dit, là, en 4 jours, ils ont battu le record d'inscription pour l'Evo qui a lieu en juillet. Ouais. Ouais. Comme quoi, c'était record d'inscription historique depuis 20 ans. Ouais, j'ai vu ça. Le record était l'année dernière déjà pour Street 4 et là, ils l'ont battu. Ouais. Il y a presque 2500 personnes qui sont inscrites pour le tournoi Street 5 de l'Evo. C'est quand même impressionnant. Effectivement. Donc on peut le dire, donc un des gros points faibles du jeu, donc c'est ce manque de tutoriel pour tous les joueurs qui voudraient débarquer sur le jeu, qui connaissaient pas Street avant. J'ai même envie de dire, même pour ceux qui dosaient Street avant, parce que le gameplay a tellement changé que il y a des trucs qui ne sont pas expliqués, que si tu vas pas faire les recherches toi-même sur YouTube ou sur Twitch, etc., tu peux pas savoir comment ça marche. Moi, par exemple, le V Reversal, si j'avais pas été voir sur YouTube, je savais même pas comment ça marchait, quoi. Donc, exactement. Le V Reversal, qui est en fait, qui est, quand t'es en train de garder, t'appuies en avant, t'appuies sur les deux boutons pied-point en même temps, et ça te fait un coup, une sorte de contre, pour renverser la situation. Et c'est quand même un manque dommageable. On peut le dire aussi sur le contenu solo. À part le mode story qui se finit en 2 heures en laissant les cinématiques, il y a rien. Il y a vraiment rien sur le mode solo. À part le mode survie, survival genre... qui fait office de mode arcade, on va dire. Ouais, le mode survival, tu parles. Alors les 3 premiers niveaux, c'est les doigts dans le nez, les mecs font rien. Et puis après, il y a un gap de difficulté. C'est un truc de ouf. Tu t'arrives plus à rien. Enfin bon. Je me suis fait fumer par un Rachid au niveau 29. Ouais, niveau 30 pour les couleurs de costume. En fait, c'est ça pour reprendre l'expression de mon ami Miles sur Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'arrives au niveau 29, c'est le niveau d'un type qui pourrait gagner l'Evo. Donc, voilà. C'est ça. Donc, heureusement qu'il est là ce mode parce que c'était le seul qui permettait de patienter en attendant d'avoir du online. Oui, parce que on peut le dire aussi, les 4-5 premiers jours de online ont été vraiment, mais c'est plus que chaotique. C'est-à-dire. Même encore à ce jour-là, je veux dire. Ouais, j'avoue même. C'était sur vous. Moi, ce week-end, c'était. Donc, je suis sur PS4. On peut le rappeler que le jeu est crossplay, hein. Et crossplay PS4 PC, donc tu peux jouer avec tes potes qui l'ont sur PC et toi tu l'as sur PS4. J'ai fait un test en filtrant, en mettant seulement PS4 et seulement mettant PS4 et PC et juste PS4 et j'allais quand même plus vite quand je mettais PS4 uniquement. Ils ont peut-être des soucis, ouais. Je trouve un match toutes les 2 minutes, ce qui est assez lent finalement, mais ça roulait bien, tu vois, mine de rien. Il faut être honnête aussi, c'est pas vraiment un argument de vente, hein. Si on remonte à Portal 2 était déjà un jeu cross-platform, il faut arrêter de mettre ça comme un argument de vente, hein. Il faut rappeler que c'est une nouveauté dans l'univers Street Fighter, c'est qu'avant les communautés étaient séparées. C'est-à-dire que pour Street Fighter 4, tu jouais sur PC, t'étais entre joueurs PC, tu jouais sur Xbox 360, t'étais entre joueurs 360, tu jouais sur PS3, t'étais entre joueurs PS3. Il y avait 3 frames de décalage. Donc en soi, c'est pas vraiment une nouveauté par rapport à l'industrie du jeu vidéo, mais pour l'univers Street Fighter, pour la communauté Street Fighter, c'est un grand pas en avant, quoi. Tu peux jouer avec tes potes qui l'ont sur PC. Non, il y a plein de joueurs qui sont contents justement de cette histoire parce que, par exemple, moi je l'ai sur PS4, j'ai plein de potes qui l'ont sur PC. On est contents quand même de pouvoir jouer ensemble malgré qu'on joue pas sur la même plateforme. Ouais, mais ils s'en foutent que les serveurs ne fonctionnent pas à cause de ce problème-là. Les serveurs ne fonctionnent pas à cause de ce problème-là. Ils fonctionnent parce que Capcom, ils ont des pieds à la place des mains. Et voilà, quoi. Ouais, mais pourtant, il y a 7 ans, il y avait le Street Fighter 4 qui sortait et le online marchait dès le premier jour. Et pourtant, j'étais un joueur de PS3. Ouais, mais. Mais c'était le pire online du monde. Donc, à quoi? Ouais, sur PS3, ouais. À compenser, tu vois. Je préfère attendre quelques jours et avoir un bon online que l'online de Street Fighter 4. Bon, par contre, là, on doit dire que l'online marche, là. Maintenant, il marche à peu près. Il y a encore quelques soucis, dans les salons, pour trouver les salons de ses potes. C'est un peu... Mais en gros, ça marche. On peut quand même le dire. Tu disais quand même 2 minutes pour avoir un match, c'est... 2 minutes c'était pendant long, un c'était match. Long, ouais. C'était long. Ah, c'est bon. Week-end. Peut-être que voilà, là on est mardi. J'y ai joué encore tout à l'heure. Ouais, ça reste entre 1 minute, 2 minutes pour trouver un match. Mais c'est pas grave, bon, tu fais ton training entre temps. Bon, bah c'est voilà. Ça, ouais, ça, c'est toujours le temps qu'il faut pour que. Ouais, voilà. Ça, non, ça devrait aller plus vite. J'ai pas testé ce soir. J'ai vu un tweet du compte SF5 Server qui disait que ça devrait aller plus vite maintenant. J'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Ça ira quand ça s'améliore de toute façon. Oui, bien sûr. Bon, malgré tout, là on l'a bien quand même cassé le jeu. Alors, est-ce que je peux rajouter un autre point négatif? J'ai trois trucs notamment, je vais aller rapidement comme ça ce sera fait. Sur PS4, c'est pas toujours très joli, alors, les ombres sont assez mal gérées, ça fait une sorte d'effet quadrillage, c'est pas très esthétique. Ça clash, ça clash. J'ai pas trouvé, c'est... moi personnellement, je trouve le jeu plutôt beau. Hein. Le jeu est beau, mais les ombres sur PS4, elles sont pas belles et ça gâche un peu les trucs. Autre chose, le HUD, quand tu joues la barre de vie, ces trucs-là. En fait, quand la bêta était sortie, je crois que c'était des placeholders, donc des choses qui étaient en working progress, en fait. Il se trouve que c'est la vraie interface, c'est que je trouve qu'elle... Enfin, elle est pas à dire qu'elle est non, pas finie. Enfin, plus que le HUD, on peut parler de l'interface menu, tout simplement. Ouais. Plein de gens... Qui est austère, ouais. Assez austère. Voilà, ouais. Avec ça, par contre. Ah non mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Tu veux changer ton gars pour un match online, il faut que t'ailles dans un sous-menu, pour pouvoir changer ton gars parce que si le gars il a pas activé l'option. Enfin. Ah non mais ça c'est différent. C'est parce que. C'est au niveau ergonomique. C'est pour que tu trouves des matchs plus rapidement. Ouais. Pour pas passer par la case, choisis ton perso. Moi ça me gêne pas. Niveau ergonomie, on a l'impression d'être revenu en 1992 quoi. Enfin. Honnêtement je trouve pas. Ah bah 1992, prix 2, c'était facile. Il y a des soucis, mais cet aspect m'a pas gêné parce que du coup, tu mets tes presets et puis après, tu laisses tourner et puis tu te passes pas par la case choix du perso, choix du stage, ce qui est quand même un gain de temps énorme. Et puis voilà, le car design de Laura que je trouve très moyen à côté de Nekali qu'on dégueule. Que de Laura, enfin Laura, je trouve que sur les nouveaux personnages, je trouve que Rachid et Laura sont bien en dessous du character design de Nekali et Fang qui sont ultra originaux. Ouais. Mais tu sens juste que Laura, en fait, ils ont créé voilà pour faire plaisir au public japonais. Une meuf à gros seins. Voilà. Ouais. Non mais il faut le dire, hein, clairement. Sérieusement, il faut le dire. Voilà, une meuf à gros seins. Voilà. Hop, on met une meuf à gros seins et puis voilà. Voilà, c'est ça. Si on n'avait pas déjà dans Street Fighter. Enfin, moi, c'est un problème que j'ai avec l'image de Street Fighter à ce niveau-là, quoi. C'est que la série elle a 20 ans et à ce niveau-là, ils sont toujours dans les gros clichés. Mais faut rappeler que c'est un jeu japonais fait à la base par des japonais. Enfin, je pense qu'un jour on fera un débat là-dessus sur la représentation des femmes dans le jeu vidéo et surtout le jeu vidéo japonais. Mais faut pas oublier que le jeu japonais, c'est à la base, ils le font pour les japonais. Les développeurs japonais, eux, ils voient en ethnocentrisme. Ils le voient, ils font un jeu pour les Japs. Et les Japs, ce qu'ils veulent, c'est des meufs à gros seins. Faut être honnête. Ouais. Faut être honnête, c'est ce qu'ils veulent. La preuve Hermika. La preuve Dead or Alive Extreme, là, qui arrive bientôt. Enfin, voilà. On est en train un peu de dévier sur notre truc. Ouais. Mais voilà, on en parlera, je pense, dans un prochain podcast. On essaiera, je pense, de se faire un débat là-dessus. Parce que je sais que j'ai déjà eu pas mal de sur Twitter avec des gens quand j'expliquais ça, il y a des gens qui comprenaient pas. Je pense qu'on va se faire un prochain débat dans un podcast là-dessus, qui comprenaient pas que les devs japonais font des jeux à la base pour les japonais quoi, et pas pour le reste du monde. Donc ils mettent des meufs à gros seins en petites culottes. Bon bref, voilà. alors oui, on pourrait passer. Parlons des bonnes choses du jeu parce qu'on l'a bien cassé là quand même. Parlons des bonnes choses parce que le jeu a quand même de très bonnes choses à offrir. Explique-nous un peu, Gérald et Thomas, expliquez-nous un peu. Alors pour moi, une des bonnes choses, bah, c'est déjà le roster qui est de 16 personnages. Donc c'est beaucoup moins que le premier Street 4, par exemple, qui offrait 25 personnages. Par contre, chaque personnage est unique de par ses coups spéciaux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est super bien équilibré. On sent le travail, et d'ailleurs c'est ce qui me fait oublier tout le manque de Capcom par rapport à la sortie sur le coup du solo et autres. C'est parce qu'on sent qu'ils ont vraiment travaillé sur chaque personnage. C'est pour moi parfait. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. C'est vrai que tous les persos sont. C'est assez bien équilibré dans l'ensemble. Pour une première itération, c'est vrai qu'il n'y a pas de perso. Alors, j'ai peut-être pas assez joué pour ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de perso ultra fumé. En fait, tous les persos sont fumés, en fait. Ouais, ouais, c'est ce que ça j'allais dire, fait. C'est qu'en fait, tous les persos sont pétés, quoi. Donc, en fait, c'est équilibré, quoi. Exactement. C'est une forme d'équilibrage, mais qui est. Voilà. Le gros changement, c'est qu'avant, pour chaque Street Fighter, il y avait un système de combat, on va dire, qui était à peu près calqué sur tous les personnages. Et là, vraiment, ils ont peaufiné chaque personnage. Ça m'a fait penser un peu aux autres jeux de combat, genre BlazBlue, par exemple, mm-hmm. où il y a vraiment une façon de se battre qui est liée à un personnage. Bon, on le voit surtout avec Ken, qui était à la base un clone. Ah bah Ken a complètement Ryu, changé. Dans le cas, c'était ouais. un Ryu, mais un peu différent. Et là, c'est vraiment autre chose. Quoi. Bah, avant Ken, c'était un Ryu, mais qui était plus fort avec les pieds, pour simplifier. Ouais. Maintenant, Ken a vraiment changé par rapport à Ryu. Ça a vraiment plus rien à voir. Ça, c'est clair. Plus mobile. Ouais, plus mobile. Plus dans la force. Ouais. Et moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est aussi le gameplay des nouveaux personnages qui ont été créés, Nekali et Fang, ils ont vraiment créé des trucs sympas. Genre Fang, pour rappeler, Fang, il fait du poison. Donc quand tu balances son V-trigger, il te fait des coups empoisonnés qui fait que ta barre devient violette et qu'en fait ta barre, donc t'es empoisonné et ta barre diminue petit à petit. Et donc ça apporte une mécanique de jeu vraiment sympa. Ils ont trouvé des idées comme ça assez originales ces mécaniques de V-skill, de V-trigger et de V-reversal sont vraiment quand tu les connais. J'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est vraiment bien. Le V-reversal et le V-trigger, quand tu arrives à bien les maîtriser, tu peux renverser vraiment la situation d'un match qui semblait perdu dans Street Fighter 4, t'aurais perdu le match. Et là, dans Street 5, tu peux quand même encore avoir une petite chance de gagner le combat. C'est des choses qu'ils ont bien réussi à faire, notamment. Bah, ça va être notamment être pas mal pour tout ce qui est e-sport, pour tout ce qui est spectacle. Ça quand même, les combats sont quand même vachement plus spectaculaires que dans Street Fighter 4. Ça, il faut le dire. Hein. Ouais. Quand le jeu avait été annoncé, les gens pensaient qu'il allait être plus lent que Street 4. En fait, pas du tout. Enfin, quand ah non, en fait, pas du tout. Personnellement, j'ai fait pas mal de combats online. Ah ouais. J'ai jamais fait un combat qui allait au bout du round. Hein. Généralement, en 30-45 secondes, le round il est fini. Ça va très très vite. À noter que ce système de V-trigger aussi, de V-skill, est pas mal parce que chaque V-skill dépend du personnage, donc ils font pas la même chose. Par exemple, Ryu il peut parry, c'est-à-dire il peut contrer un coup. Zangief il peut absorber un coup, continuer à taper sur les gens. Enfin, il y a vraiment des choses pas mal qui ont été mises en place. C'est vraiment au niveau gameplay, le jeu est aux petits oignons, on peut le dire. Au niveau gameplay, ouais, le jeu c'est vraiment pureté, le. Ouais. Bah, je pense sincèrement. Ah ouais, c'est du pur gameplay, il est bien mais fait. Tu sais, en fait, ils ont pris tous les trucs chose, en SF4. Ouais, hop, mais tu sais, Roussos, que SF4 en vanilla, il était pas aussi... Il était sale. Ah, il était sale en vanilla, SF4. Ouais, il était pas si bien fait, là. SF5, vraiment, le gameplay, l'équilibrage des persos, leur système de V-trigger, de V-skill, tout a été vraiment super bien pensé, ouais. Il y a pas de... C'est étonnant, alors qu'ils ont oublié plein de modes de jeu, mais ils ont réussi à faire un jeu équilibré avec un gameplay. Ça, ils l'ont bien fait, Moi, je retrouve des sensations de Street Fighter 2 dans ce 5, je sais pas pour vous. Ah, je suis assez d'accord, c'est vrai maintenant que tu le dis, je suis assez d'accord, il y a des sensations de Street Fighter 2. Il y a une grosse part de mind game, je trouve, c'est-à-dire il faut comment dire, se mettre à la place de l'autre joueur, hein, anticiper ce que vont être les prochaines actions du joueur, et c'est pour moi plus basé sur ça que sur la compétence technique c'est des joueurs. Enfin, il y a quand même aussi la compétence d'échec. Le système d'échecs arrive quand t'arrives quand même à un assez haut niveau de jeu. Parce que, comme tous les Street Fighter, en fait, ça devient un jeu d'échecs. Mais quand t'es quand même un peu noob, le skill, il joue quand même. Hein. Moi, j'ai roulé sur des types. Moi, je suis pas très fort. Hein. Enfin, je me défends, hein, mais je suis pas non plus... j'ai jamais dit que j'étais un pro-gamer de Street Fighter 5. Mais je roule sur des types en online. Enfin, ça fait peur, hein, des fois. Hein. Les mecs n'arrivent à rien. Donc quand même... C'est bien, ça veut dire qu'il y a des gens, que le jeu est plus accessible, il y a des gens qui l'ont acheté. Qui l'ont acheté, oui, mais bon, les pauvres, comme on disait au début, ils n'ont pas de tuteur là, ils n'ont rien pour leur expliquer comment le jeu marche, donc ouais, mais en tu même leur temps, roules dessus, quoi. En même temps, les tutoriels, à l'époque, tu n'en avais pas, tu t'explorais quand même le jeu, donc... Ouais, mais bon, oui, t'avais un livret, t'avais quelque chose, t'avais au moins un livret. Maintenant, t'as même pas un livret, hein, t'as une feuille avec un code. Est-ce qu'il y a au moins la liste des coups? La liste des coups, oui, t'as un menu avec la liste des coups, mais ça t'explique pas comment ton personnage se joue. C'est ça le problème qu'on expliquait à Kéron, c'est que tu vas avoir la liste des coups, mais chaque personnage se joue différemment. Donc tu vas pas jouer pareil Ryu et tu vas pas jouer pareil Zangief. Bah, moi j'aime bien justement découvrir un jeu en y jouant et pas forcément en lisant des tutoriels. Disons que c'est quand même un jeu où t'es un peu obligé de passer par cette case là mais après être un peu performant quoi. Après ce qu'on peut dire c'est que bon dès le mois prochain devrait arriver donc les défis. Ce qui est il y a une grosse partie du mode solo pour t'apprendre à connaître le jeu. Dans Street Fighter 4 en tout cas c'était le cas, tu faisais les défis pour un perso, tu connaissais bien le perso. En gros ce qu'on pourrait dire c'est quand même que le jeu est bon, le jeu mérite d'être acheté, mais attendez un mois, deux mois, deux, trois mois pour vous l'acheter quoi. On pourrait résumer ça comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bah sinon attendez-vous de jouer tout seul en mode entraînement ou sinon avec des amis quoi. Attends. Ça dépend du profil. Si t'es un nouveau joueur, effectivement, c'est peut-être cool d'attendre pour avoir l'histoire et tout, se mettre dans le truc. Si après t'es un joueur de Street Fighter, pourquoi attendre, j'ai envie de dire. Le gameplay est là, donc pourquoi attendre. Ouais. Est-ce qu'il faut acheter un stick? Non. Ça dépend de ton style de jeu. Moi je trouve pas. Personnellement. Personnellement, moi j'ai un stick, je suis comme toi Thomas. Pour Street Fighter 4, fallait un stick, absolument. Là, le jeu se joue très très bien à la manette. Mais vraiment. Je me suis même commandé une manette d'ailleurs. C'est grâce au DualShock 4 hein, qui est quand même une bonne manette par rapport aux autres. Elle est très bien pour le versus fighting. Je suis d'accord, j'aurais pas pensé, mais finalement pour jouer à Street, la manette de PlayStation 4 est vraiment top. Et vous jouez tous sur PS4 du coup, c'est ça? Ouais. Ouais. J'ai testé la version PC. PC, il est nul, c'est pour ça. Non, j'ai testé la version PC chez un pote. Ça tourne bien aussi. Moi, j'y ai joué au stick hein, sur PC. On peut dire les différences entre les deux versions, c'est-à-dire que la version PC, donc la version PS4, on va dire, tourne très bien de base, il n'y a pas de souci. La version PC, il y a encore des manques d'optimisation. Faut quand même avoir un PC un peu de brut pour le faire tourner bien comme il faut. Sinon, faut le faire tourner en moyen et bon, ça te pique un peu les yeux les graphismes. Mais je pense qu'avec quelques patchs qui vont sortir prochainement, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller, je pense. J'ai des amis qui ont des problèmes un peu avec la version PC, mais j'imagine que ça va... Enfin, j'espère que ça va être... j'espère aussi, mais bon, dans l'ensemble, on peut dire que les deux versions sont propres, dans l'ensemble. Peut dire que les versions sont propres, qu'il n'y a pas de soucis. Je voudrais juste faire un petit coucou à l'alien bleu, à Aline, qui nous dit au revoir, qui était là au dernier podcast et qui va se coucher. Donc je lui fais un petit bisou. Et je lui dis à la prochaine. Surtout qu'elle aime bien Laura, hein, d'après ce qu'elle disait. Apparemment, elle aime bien doser Laura. Ouais. Parce qu'elle n'a pas encore entendu parler en japonais, elle est insupportable. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour pour ce stream. Vous avez des choses. Oui, vas-y. Une petite dernière chose à dire, parce que juste pour la direction artistique, parce que c'est un peu mon kiff. Excepté ce que j'avais dit tout à l'heure, donc Laura, Ermika et Rachid qui étaient un peu light. J'ai envie de dire que voilà, la direction artistique, je la trouvais vraiment très bonne, et Dieu sait que c'était pas le cas à mon sens pour Street Fighter 4. Il y avait des trucs qui me gênaient beaucoup. Nekali et Fang sont des superbes designs. Les reskins des anciens persos sont vraiment stylés, genre Dalsim, Bison. Ah, Dalsim, c'est hallucinant. Défense. Ouais, et le menu, moi, comme j'ai préco le jeu sur PS4, j'ai une skin spéciale pour Ryu là, où il est vieux avec une barbe. Il défonce. Attends, il est génial. Moi, t'as la Camille aussi. J'ai la Camille aussi. Elle est magnifique avec son petit visage de pipou là. Ouais. Et Chun-Li sur l'écran titre, elle a un visage de dingue. Elle est trop belle. Ouais. Chun-Li en costume de flic aussi là, elle est pas mal. C'est pas mal. Oui, elle est pas mal, effectivement. Mais voilà, je trouve que la direction artistique est très très bonne et ils ont fait un super taf, je trouve. Je voulais close cette discussion, mais je viens de penser qu'on a oublié de parler d'une chose. On a oublié de parler du modèle économique du jeu, donc change. Les points positifs en fait. Tu l'as mis dans les points positifs. Parce qu'on a pris que payant. Moi, j'ai envie de dire que c'est au milieu. C'est intelligent, c'est dans l'air du temps. Ouais, tu vois. Ouais. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Parce que, en fait, donc pour par rapport aux anciennes versions de Street, on peut le dire, ils vont pas sortir de versions super, ultra, méga. Ouais, 2X. D'accord. Voilà, voilà. Ils vont. C'est que des mises à jour cette fois. C'est ça, voilà. Ça va être que des mises à jour. Donc la plupart gratuites. Les persos supplémentaires vont être achetables. Donc soit par du vrai argent, soit par de l'argent, enfin par du fight money, c'est-à-dire que tu gagnes en jouant. Ça, c'est intéressant. Ouais, mais en gros, ce qu'on peut dire avant, ce qu'on avait peur, c'est que les prix des persos en DLC soient super prohibitifs. Et finalement non, ça va. C'est 100 000 le perso en DLC. Rien que tu finis le mode histoire, t'as 160 000 de fight money. Si tu finis sur Revolt, t'en as encore pas mal. Ouais, tu finis sur Valve, tu fais des matchs amicaux avec tes potes, t'en as encore. Enfin, moi perso, là, j'en ai 280 000 hein, du Fight Money. Ouais, bah voilà. En gros, je peux quasiment me payer les 3 prochains persos en DLC sans sortir 1 euro. Donc, sinon, c'est 6 euros le personnage et 4 euros le costume. C'est ça. Par contre, après, tout ce qui va être. Quand on compare au MOBA. Ouais, par contre, après, tout, voilà, on peut le dire, tout ce qui va être costume. Purement esthétique, supplémentaire, ça va être vendu que par du vrai argent. Donc à 4-5 euros le costume, ça personnellement ça me choque pas, c'est que de l'esthétique. C'est ça. Mais du coup, il n'y aura jamais de Super Street Fighter 5 non. FX. Non, il n'y aura pas de version GOTY, il n'y aura pas de Super Street Fighter 5, il n'y aura pas de Ultra Street Fighter 5. Ce sera le jeu. Ça a toujours existé sur la série Street Fighter. Ouais, ben là, c'est la grosse révolution du jeu, c'est que voilà, maintenant tu achètes ton jeu. Donc je pense qu'il sera jamais vendu. En fait, il sera jamais à prix réduit en fait Street Fighter. Non jamais. Non, il sera toujours vendu 60, 50 balles. Voilà, c'est comme un jeu Nintendo, comme Smash Bros. C'est le modèle économique de Smash Bros. Un peu. C'est-à-dire la version 9, tu l'achètes, il est toujours à 50 euros, 60 euros, et après t'as des DLC pour les persos supplémentaires, etc. Mm-hmm. C'est ce modèle économique là. En soi, moi je trouve ça pas mal quoi. Ça évite de racheter un jeu 60 euros tous les ans quoi, ou tous les deux ans. C'est galère de racheter, c'est ça. C'était galère. T'étais obligé en plus si tu voulais être un peu compétitif parce que il y avait tellement de changements que ton perso jouait tellement différemment. Bah ouais, c'est plus j'imagine en plus. Là, il n'y aura pas de clivage entre les joueurs, mais sur Smash Bros, par exemple, tu es obligé d'acheter chaque DLC. Donc là, il peut y avoir du clivage quand même. Obligé d'acheter comme ça. Non, t'es pas obligé de les acheter. Non, bah, si tu veux un personnage ou un niveau, t'es obligé de l'acheter. Ah oui, mais t'es obligé. Mais en soi, si tu veux pas les jouer, t'es pas obligé de les acheter. Pareil dans Street. Par contre, les modifications des personnages, l'équilibrage, les patchs d'équilibrage, etc., qu'il va y avoir, ils seront les mêmes pour tout le monde. Donc en fait, t'es pas obligé d'acheter les persos si t'as pas envie de les jouer. En soi, tu joues Moi, je l'ai fait avant la sortie du jeu et ils m'ont tout effacé. Ah, il l'avait dit, hein. Ah non, mais il avait dit qu'ils allaient remettre le jeu à zéro hein, pour la sortie du jeu. Ouais. Enfin, en gros, donc, on pourrait résumer. Donc, ce Street Fighter V, donc, c'est un bon cru. C'est un très bon cru au niveau du gameplay. Mais pour l'instant, encore un peu austère pour les nouveaux joueurs qui voudraient arriver dessus. Si tu fais pas l'effort de t'investir et d'aller faire toi-même les recherches pour apprendre à maîtriser ton perso, quoi. On pourrait synthétiser comme ça notre petite interview, quoi. Notre petite review. C'est ça, bien d'accord. Et bah alors, bon, on a fait le tour sur Street Fighter 5, quand même, on y a passé un bon moment. Je pense qu'on a bien fait le tour. On va se faire une petite pause musicale, et puis après, on va passer avec Rouxos. On va décortiquer Rouxos. On va le décortiquer, telle une crevette. Telle une crevette. On va le décortiquer. Une petite pause musicale évidemment en lien avec Street Fighter, c'est un peu le leitmotiv de ce podcast. Donc ce sera le thème de Vega choisi par Rouxos et on se retrouve dans 3 minutes 40. À tout à l'heure. Enfin voilà. Donc on est reparti donc après cette pause musicale. C'était le Vegas Theme de Street Fighter V, choisi par notre ami Ruxos. Et on va passer tout de suite maintenant justement à la partie invitée avec Ruxos. Waouh, ça pète, hein. Ça, c'est une jingle invité qui dépote, franchement. et on peut le dire d'ailleurs, Ruxo, c'est toi qui nous as fait ces magnifiques jingles. Oui, donc, oui, c'est moi. Voilà, c'est toi. Merci, Ruxo. Merci. Mais de rien. C'est oui, combien, on doit payer. Oui, on doit payer où, maintenant? On paye en des Airbus. On paye en invitation des Airbus. $10 millions. Tu viens avec ton sac de couchage au mois de novembre à l'école 42 et puis c'est bon. Une petite édition collector à $10 millions, ça va. Je m'en satisferai. Avec un stage d'espionnage. Alors, Ruxos, donc tu es notre invité pour ce podcast. On va parler un peu de toi. Donc tu es belge, un de nos chers voisins d'outre-Québin, donc tu es grand amateur de jeux vidéo, tu es compositeur de musique de jeux, de modes de jeu, et tu es aussi prof de français. Tout ça dans un même bonhomme. C'est type à vous. T'avais dit qu'on aime décortiquer, mais je veux bien, mais que voulez-vous savoir? Mais écoute, déjà, parle-nous un peu de toi, déjà comment t'es venu au jeu vidéo? Parle-nous un peu de nous, déjà. Ouais, parle-nous de nous. Alors, le jeu vidéo, comment dire? Alors, comment j'ai commencé? Il y a peut-être mon père qui écoute, coucou père, parce que je lui ai filé les liens. Père, carrément. Bonjour. Bonjour le papa de Ruxos, alors s'il écoute. Les tout premiers jeux sur lesquels j'ai joué, c'était sous DOS. Mon père avait un PC qui était sous Windows 3.11 et il m'avait appris les différentes commandes du menu DOS. Et avec le temps, il avait chopé quelques petits jeux. Et les premiers jeux auxquels j'ai joué à ce moment-là, ça avait été Wacky Wheels et Doom 2 à l'époque. Ah, Doom. Je devais avoir quelque chose comme 7 ou 8 ans. Ouais, bravo. Responsable, ouais. Grand-parent. Merci. Le Peggy 18, c'était pas encore. La grande qualité. Non, mais franchement, là, bon, c'était relatif. Hein, non, mais faut rappeler que le Peggy n'existait pas à l'époque. Non. La bonne excuse. Enfin, je suis né en 89, hein, donc voilà. Mais, et à côté de ça, à peu près à la même époque, ma mère avait décidé, d'acheter une Mega Drive 2. Donc, avec elle est tellement belle. Ta mère avait très bon goût. C'est ça, ouais. Elle est tellement belle, celle-là. C'est ma petite chouchoute. Mega Drive 2 qui est toujours en fonctionnement, qui est dans un état impeccable avec sa boîte qui est. On dirait qu'elle est neuve. Ah, t'as la boîte. Ah, ouais, elle est neuve. Oh, la chance. Collecteur à 10 millions. Elle est sous ma télé. Il est là, ton collecteur à 10 millions de dollars. Ouais. Il est là. Donc du coup ça a été le premier pas dans le jeu vidéo. Bon, évidemment sur Mega Drive il y avait à boire et à manger, hein, puisque j'avais eu tous les Sonic, dont Sonic Spinball et Sonic 3D Blast, qui étaient des... Oula, oui. Ah oui, quand même. J'ai la connaissance de Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonic 1. Oui, mais bon, t'as eu Sonic 1, 2 et 3, donc les meilleurs, quoi. Puis bon, après il y avait vous parlez de jeux de fight, il y avait les beat'em all Batman, évidemment, hein, Batman Forever, qui est aussi une merde infâme, bah bref. T'as eu chaque fou, j'espère. Si t'as eu la Mega Drive 2, t'as forcément eu la cartouche où il y avait eu Street of Rage, Golden Axe et un troisième jeu dessus. Et Columns, oui, Columns, voilà. Tu as forcément eu cette cartouche. Enfin, non, je l'ai trouvé dans un cache converteur, j'ai chopé, ouais, mais je l'ai pas eu. Parce que moi je l'ai eu aussi, cette Mega Drive 2, et il y avait la cartouche avec les trois jeux qui allaient bien. T'as pas eu de chance. Tu es tombé dans le jeu vidéo tout petit. Voilà. Puis vers une 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça, mon père avait décidé d'acheter une console un peu plus perfectionnée de la technologie. La première Xbox que j'ai, qui est toujours dans le même état. T'as même pas eu de PlayStation, alors. T'es passé de la Mega Drive à la première Xbox. Ouais, entre-temps, une Game Boy Color. Ah bon, ça va. Voilà, donc j'ai eu une Mega Drive, j'ai eu une Game Boy Color et j'ai eu une Xbox. Je suis triste pour toi que tu n'aies pas connu la première PlayStation. Je suis triste pour toi. Mais au final, ça ne m'a jamais manqué. Et même chose pour les consoles Nintendo, style Super NES, etc. Ou bien carrément, carrément une Nintendo 64, etc. Ça m'a jamais vraiment manqué non plus. Non, mais même si je veux pas attiser la guerre des consoles, de toute façon, la Mega Drive était supérieure à la Super NES. Donc, bref. Au moins, c'est dit, voilà. Voilà, au moins, c'est dit. Et non, mais j'ai les pieds. J'ai eu les deux, donc je peux le dire. Bref. Donc tu as commencé dans le jeu vidéo donc tout jeune hein, comme un peu nous tous de toute façon hein, on peut le dire hein, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, ils sont tous tombés dans le jeu vidéo. Non, et donc moi, j'ai pas encore commencé personnellement. Ah t'as pas encore ah bon t'as pas oui j'attends. Bref, et donc tu es tombé dans le jeu vidéo évidemment, et mais parle-nous aussi de ta deuxième passion qui est la musique, parce que tu es un grand compositeur. Je pense que tu vas me fouetter. Tu vas me fouetter les fesses si je dis ça parce que tu es humble. Mais parle de moi ou ouais, tu es compositeur, donc tu es compositeur de covers de jeux vidéo. Tu es compositeur aussi. Tu as participé à certains projets de jeux vidéo. Parle-nous un peu de tout ça, s'il te plaît. Alors juste avant, je vais répondre au chat. Eldert, je ne sais pas comment dire ton pseudo. Eldert. Ouais. Voilà. Au niveau console, j'ai jamais eu d'Xbox One en fait. Après la Xbox, tout court, pas une console plus récente. Et c'est vers mes 17-18 ans que je suis replongé dans le jeu vidéo grâce à un pote qui était sur un forum de métal qui m'a fait découvrir League of Legends. Non, ah. Bouh. Mais non, on ne juge pas, on n'est pas là pour juger. Bouh, moi je juge. Bouh. Je n'y joue plus, mais et donc du coup j'ai entre guillemets redécouvert le jeu vidéo. C'est à relancer quoi. Entre guillemets grâce à ça, parce que je ne connaissais absolument pas l'expérience en ligne en fait. J'avais jamais joué un jeu en ligne. Ah, c'est vrai que ça change la donne. Pourtant avec la première Xbox, il y avait déjà le Xbox Live. Oui, mais il y avait l'abonnement payant. Et puis, ah oui, et puis t'es belge, donc t'avais Belgacom, donc c'était pas possible. Voilà. Et donc du coup, ça a été un petit peu un tremplin du coup aux jeux communautaires. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai chopé mon premier compte Steam, enfin que j'ai lancé mon compte Steam, puisque j'en ai qu'un. Donc t'as été rodé aux communautés de MOBA dégueulasses de LOL. Alors. Oui et non, parce que bon, j'ai connu LOL, enfin League of Legends. À la saison 1, première version avec la première bêta, quoi. Donc bah, c'est une autre ambiance, tu découvres avec tes potes et tout, c'est sympa. Hein. J'ai vu sympa. La communauté se dégrader d'année en année, du coup, je ne joue plus. Mais, t'as vu les Russes arriver et Kobliat, etc. Mais donc, du coup, c'est à ce moment-là du coup, que j'ai créé mon compte Steam et mon premier achat pour mon compte Steam, ça a été l'Orange Box. Ah, voilà. Bon choix. Et qui a été une révélation totale. Ouais, avec Half-Life. Ouais. Moi, je l'avais chopé pour les Half-Life et j'étais bien content. Et puis, je me suis dit un jour, oh là là, je vais faire Portal qui est dessus, et que ça a l'air d'être un jeu tout pourri. Et ça a été un coup de poing dans ma gueule, mais de manière exponentielle. Ce jeu a changé ma manière de voir le jeu vidéo. Et des expériences comme ça, j'en ai fait très très très peu depuis. Hein. Portal 2, Undertale récemment, mais vraiment des jeux qui m'ont un petit peu transcendé au niveau gameplay, au niveau scénar, ou au niveau de ce que je recherche, j'en ai eu très très peu au final. Je te conseillerais de faire Air Story, si tu ne connais pas, qui est un jeu comme ça avec un gameplay minimaliste, mais qui est vraiment une expérience de jeu vidéo à faire. Je te le conseille. Journée. Je te le conseille. Il était en solde dernièrement, mais il doit plus y être. Mais si il est pas cher. Hein, il est pas cher de base de toute façon. Ouais. Non, il coûte même moins que ça. Il coûte 3-4 euros de base. Je te le conseille. Je pense que tu vas kiffer vu ce que tu nous dis. Enfin, et donc, tu demandais au niveau de la musique. Parce que tu es quand même, voilà, tu nous as fait tous ces beaux jingles, etc. Moi, je te connais un peu d'avant. Tu as ton SoundCloud. D'ailleurs, on peut le dire, c'est soundcloud.com/Rouxos. Faire un peu de pub hein, quand même hein, allez, voilà. C'est gratuit, voilà, c'est gratuit. Et tu fais donc tu fais des reprises de jeux vidéo, tu fais tes compositions perso aussi. Comment t'es venu un peu à la musique alors? En fait c'est con, mais je suis encore une digression, mais mes parents étaient très fans de Jean-Jacques Goldman, mais pas Jean-Jacques Goldman époque années 80, coucou, les chansons étaient dégueulasses. Que la musique plutôt, est bonne. Voilà, bon. On a oublié ça. Mais plutôt Jean-Jacques Goldman époque années 90, avec vraiment très très bons albums, genre la collaboration Frédéric Goldman-Jones, deux albums qui sont exceptionnels, et l'album En Passant, qui ont vraiment de très très beau, très très beau passage. Et du coup, ça m'a fait aimer un petit peu cette musique pop, mais avec des grosses influences rock. Il y a des morceaux de Goldman qui sont limite assimilables à, je vais pas dire à du métal, mais pas très très loin. Hein, c'est cool. Là, oui, tu fais un rapprochement entre le Goldman et le métal, c'est quand même chaud. Mais c'est con, mais si vous écoutez le morceau des vôtres de Goldman, surtout en version live, mais on a vraiment une grosse disto et c'est quasiment du métal. Ouais. Hein. Ah, bref. Et du coup, ça m'a fait apprécier la guitare et c'est vers l'âge de 16 ans, quelque chose comme ça, que j'ai dit à mes parents « Coucou, je veux faire de la guitare !» Et puis ils ont fait « Oui, mais pas du matos trop cher !» Et puis on a cherché et puis on a trouvé un endroit où on vendait du matos pas trop cher. À cet endroit qui était en France, parce que je suis frontalier, j'ai commencé à prendre mes premiers cours de guitare et ça a été sympa, mais je n'ai pas de formation classique en fait. Donc les cours que je prenais n'étaient pas des cours de solfège, etc. C'était des cours vraiment... un cours sur deux, on travaille sur des gammes et des accords, et l'autre cours sur deux, on faisait de la rythmique de métal. Voilà. Ah, que métal. C'est-à-dire, tu es lié au métal un peu, parce que tu es arrivé à LOL par le métal aussi. Oui, en fait, ça a été un petit peu lié, puisque c'est quasiment tout à la même époque au final, puisque j'aime le métal. Je m'étais inscrit sur un forum de métalleux qui n'existe plus, et les gens de ce forum-là, en fait, sur lesquels je postais mes premières vidéos, qui étaient dégueulasses et que j'ai perdu depuis bien longtemps, c'est une très bonne chose, ces gens-là m'avaient un petit peu ramené au... m'avait ramené dans le jeu vidéo, on va dire ça. Et donc du coup j'ai une formation un petit peu particulière puisque j'ai eu une formation dédiée au métal et puis à côté de ça au niveau groupe j'ai pas fait grand chose quoi. Donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à me penser vers d'autres choses, à des projets personnels solo. J'avais commencé à faire des morceaux seuls que j'avais mis sur YouTube, etc., qu'avec le temps, j'ai supprimé, etc., que je regrette parce qu'il y avait de très bonnes bases. Et c'est à ce moment-là, à peu près, que je me suis découvert une passion pour la musique classique, particulièrement pour la musique baroque. Donc, beaucoup Vivaldi, Haydn, Bach, et d'autres, Couperin, etc. D'où ton choix du thème de Vega pour Street Fighter V, on comprend mieux, alors, parce que c'est quand même un peu dans ce genre-là. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Il est gentil, il veut pas dire que pas du tout. Mais... Personnellement, j'y connais rien en musique classique, j'essaye de... Non, mais il y a le côté un petit peu moins électro de certaines tracks qui est... Et donc voilà, donc tu as commencé à donc la musique, tu as commencé donc la passion du jeu vidéo, tu as sorti un premier album sur ton SoundCloud de cover de jeux vidéo, enfin de compo perso mais un peu inspiré du jeu vidéo, je ne m'abuse. Oui, là tu mélanges un petit peu, mais c'est pas très grave. En fait, pendant longtemps j'ai tenu une chaîne, voilà, j'aurais kiffé, voilà. Elle a 6 ans maintenant, et pendant longtemps j'ai fait des reprises de thèmes de jeux qui étaient avec des instruments qui datent du coup, puisqu'ils datent d'il y a une dizaine d'années, ces instruments virtuels. Et qui était, avec du recul maintenant, qui était excellent pour l'époque, mais avec les outils actuels, ils sont franchement dégueulasses. C'est obsolète. Et quand j'ai lancé ma chaîne SoundCloud ici, il y a un an à peu près, j'ai viré absolument tout ce que j'avais créé sur YouTube depuis 6 ans. Dommage. Oui, mais je suis pas du genre à être attaché aux choses, donc ça m'a fait aucun mal. Si le mec qui a la boîte intacte de la Mega Drive 2. Ouais, non, c'est du numérique là, en l'occurrence c'est du numérique, donc de toute façon la vidéo, je sais pas ce que tu dis là. C'est pas un peu compliqué, alors je suis absolument pas musicien, j'y connais rien, mais dis-moi. C'est un peu compliqué de justement de pas avoir de formation pour vraiment composer, faire de la composition, être compositeur et faire juste tu sais faire de la guitare, un peu de solfège, et du coup tu as assez de connaissances pour faire tes propres compos avec plein d'instruments différents. Il n'y a pas de problème. Enfin, il y a un problème, mais le... Oui, non, je vais reprendre un, deux. Le truc, c'est que c'est faisable, mais il faut beaucoup de travail et beaucoup de patience. C'est ça, parce que à côté de quelqu'un qui va être là, c'est un accord de sol mineur, bim, il va plaquer un accord de sol mineur sur son clavier. Je dois réfléchir, quelle est la note de base, quelle est la nuance, bim. Ah, ok. Tu travailles à la volée ou tu poses sur une partition, par exemple, ce que tu composes ? Alors, ce que je compose, je le fais en live, donc... Oui, d'ailleurs, je voulais y venir, tu streams souvent ce que tu es en train de composer, en fait, aussi, sur ta chaîne Twitch. Intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant, j'ai déjà suivi plusieurs de ces lives. où il est en train de composer en direct les musiques, et donc on le voit avec son matos, etc., en train de composer ses morceaux. En direct. Ouais, en direct, en live. Je rage, parce que il y a des jours où je vais faire 6 heures de live. Il y a des jours où je vais être là pendant 2 heures me demander bon bah qu'est-ce que je vais mettre dans la prochaine mesure. Ça dépend des jours, l'inspiration. Mais ouais, à partir du moment où tu connais un minimum une paire de gammes et que tu sais travailler dessus, ça se travaille. Enfin, de toute façon, les gammes sont les mêmes sur un piano, une harpe, un violon ou une guitare, peu importe. À partir du moment où tu sais comment ça marche, c'est pas trop dur de composer. Pour retrouver par contre le travail de quelqu'un d'autre et faire une recomposition, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Ici, y a une paire de jours, j'ai ressorti une recompo que j'avais déjà retravaillée 2 fois à quelques années d'intervalle. J'ai retravaillé un thème de Portal 2. Je me suis complètement éclaté dessus, je l'ai redécouvert et bon, là, je l'ai sorti en mode coucou, musique baroque complète, parce que bon, je ne compose que pour formation classique, sauf pour les jingles des numériques. Là, mais vraiment, en stream, on va dire que c'est moi qui t'ai demandé aussi quand même d'avoir un truc un peu 8 bits, chiptune, voilà. Ouais, bah t'as bien raison, hein. Au final ça marche bien. Mais ouais, bah voilà, ça tourne un petit peu autour de ça. Et je voudrais qu'on avance un peu quand même sur toi, parce que bon, donc tu fais de la musique, mais tu es aussi prof de français, donc en Belgique, là où tu es. Tu es prof de français et tu te sers de la musique de jeux vidéo comme support pédagogique, éducatif, avec tes élèves. J'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Comment ça se passe? Comment tu y arrives? Et est-ce que ça se passe bien avec tes élèves, quoi? Enfin... Ça dépend des écoles. Hein. Donc là, ici, c'est ma cinquième année. Non, puisque ma première année, j'étais remplaçant, donc c'est un mois par-ci, 2 semaines par-là. Donc... Cette année-là ne compte pas vraiment. Mais selon les endroits, en fait, ils sont plus ou moins réceptifs aux différentes méthodes pédagogiques. Et donc, cette année, ça ne marche pas. Ah. S'en fout. Mais je vais prendre par rapport à d'autres écoles. Les premières choses que j'avais faites, c'était le développement d'un atelier d'écriture en fait, à partir de musique classique et de musique soit de film ou soit de jeux vidéo. Comme support d'imagination dans les ateliers d'écriture. Ça, c'était mon mémoire de fin d'études d'études de prof. Donc vraiment j'ai basé ma thèse de fin d'études sur ça, donc le fait d'utiliser de la musique comme support. Et je me suis rendu compte au début j'utilisais de la musique classique puisque c'est ce que je connaissais le mieux, et un petit peu à la fois, c'est en découvrant des vidéos YouTube et des machins à gauche à droite, je me suis rendu compte qu'en fait alors pour répondre à Eldress, l'équivalent en Belgique du collège, mais je peux donner cours jusqu'en 7e professionnel, c'est-à-dire l'équivalent de Bac+1 pour les sections professionnelles. Donc c'est très très large, des élèves qui vont de 12 jusqu'à 20 ans, en gros. Donc je reprends. Oui, parce qu'Eldress demandait un peu prof au collège. Voilà. Si jouais, voilà. Mais voilà, comme tu es en Belgique, c'est pas tout à fait pareil qu'en France. Ouais, voilà. Non, collège et lycée ne sont pas séparés, hein, c'est la même école chez nous. Enfin bref, et donc du coup, je me suis rendu compte un petit peu avec le temps, diverses choses, que y avait des musiques qui passaient beaucoup plus d'émotions spécifiques dans certains cas que la musique classique. C'est-à-dire, les musiques de film, techniquement, elles sont composées pour suivre une image particulière, et donc du coup apporter une ambiance, et c'est composé pour. Et donc cette musique elle-même était support d'une émotion bien précise, une musique triste, une musique joyeuse, une musique mélancolique, une musique pleine d'action, etc., avec toutes les nuances qui vont entre chaque, et encore plus que ça, la musique de jeux vidéo. Alors évidemment, un thème de Street Fighter, ça va pas être trop le cas, mais souvent les thèmes de RPG vont être très très très à même de s'y prêter. Et je vais prendre un exemple. Moi, j'utilise les OST des jeux Fable, Fable 2, Fable 3. On peut douter de la qualité du Fable 2 et Fable 3, mais peu importe. Mais les musiques sont exceptionnelles et elles sont vecteurs d'émotions qui fonctionnent extrêmement bien et qui fonctionnent très, très, très vite avec les élèves. Parce que autant je peux faire un atelier d'écriture avec une image, leur dire voilà, coucou, c'est une image, et puis il y a quelque chose dessus, vous écrivez. S'ils n'ont pas envie de regarder, ils ne regardent pas, ils s'en foutent et voilà, rien. Alors que la musique, ils peuvent pas vraiment s'empêcher de l'écouter. Ils peuvent pas s'empêcher de l'écouter ou du moins de l'entendre. Et donc du coup, au bout d'un moment, il y a quand même une émotion qui ressort. Et parfois, même un élève qui est de mauvaise foi, qui dit je m'en fous, je le fais pas. Hop, il y a un déclic et ça marche. Et je lui dis tiens, qu'est-ce que t'as ressenti, qu'est-ce qui passait comme émotion dans dans la musique. Ah, bah, c'était un peu joyeux, ok, bah, qu'est-ce que tu imaginerais comme clip dessus? Je sais pas, je vais prendre un truc à la con, mais oh, bah, je sais pas, des petits lapins qui sautillent dans la forêt, et puis bim, c'est parti, il peut écrire un texte. Bon, là, j'ai pris un truc extrêmement cliché, mais, mais ça marche très, très, très bien. Et donc, du coup, parfois, je fais des petites séances comme ça, on va dire une fois par mois, je prends une heure dans toutes mes classes, et hop, je ramène mon PC portable, des haut-parleurs, je passe de la musique, et ils écrivent, et ça marche. Est-ce que les résultats sont très différents pour une même musique? Rarement. Au sein d'une classe, rarement. Ouais. Rarement, rarement. En fait, on ne peut pas vraiment coter un atelier d'écriture, on peut simplement, si il est en accord, si le texte produit est en accord avec ce qu'on demande, avec l'ambiance, etc. Mais si je passe une musique joyeuse, je vais souvent voir les mêmes choses. Évidemment, des histoires différentes, mais la même émotion qui reste. J'ai rarement un gamin qui va me dire oh, bah, c'est un enterrement alors que je suis en train de lui passer une musique d'un village de fables. Tu vois. Ouais. Donc, c'est. Alors, évidemment, ils ont leur imaginaire qui fonctionne différemment, et puis il y a leur vécu, etc. Ils imaginent des choses différentes, mais ils restent toujours dans le même cadre. Ils sont dans le ton, quoi, à chaque fois. Oui, ils sont dans le ton. Donc, c'est une des preuves que l'exercice marche bien. Et en général, on compare un petit peu les textes. Évidemment, on sent bien qu'il n'y a pas de hiérarchie, puisque c'est de la création. Et puis, quand ils jouent le jeu, ça fonctionne très bien. C'est super. Et c'est quoi la finalité, en fait? C'est pour développer la créativité des élèves ou... C'est un petit peu mettre en application tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire c'est de pouvoir, si on a travaillé sur la syntaxe, travailler de façon complexe. Si on a travaillé sur X règles d'orthographe, ne plus voir les fautes. Ouais. Ah d'accord, donc c'est un pur exercice en fait, de français. En fait, tu arrives à rendre ludique une matière qui est complètement chiante à la base. Oui et non, parce que là j'ai parlé de l'aspect... Pour les élèves, je parle à la place des élèves. Voilà, parce que moi je peux justifier au niveau de mon programme, etc. J'ai vu ça. Oui. Formidable. Mais à côté de ça, dans les compétences qu'on est censé voir dans les programmes, que personne ne voit jamais, il y a les compétences, toute une série de compétences qui sont dans écouter et dans parler, dans s'exprimer. Et l'écoute, en fait, est très très peu utilisée. Et surtout le fait de s'exprimer. Oui, l'exposition écrite, c'est super important. Honnêtement, écrire un son, tout ça, c'est vachement. Enfin, rien qu'en termes cérébral, c'est vachement bon, ça te développe énormément. Et malheureusement, c'est super maltraité, surtout en. Et est-ce que tu sens des progrès chez certains de tes élèves quand tu utilises plutôt ce support pédagogique de musique de jeux vidéo par rapport à d'autres. Les deux premières questions, c'est monsieur, c'est sur des points. Et monsieur, est-ce que vous comptez l'orthographe? Est-ce que ça compte dans la moyenne? À partir du moment où je dis oui, il y a une appréciation, c'est bien, très bien, etc. Je vais pas vraiment des points parce que, comme j'ai dit, on peut pas vraiment coter sur une création. Mais bon, je mets une appréciation sur le fait qu'ils aient joué le jeu. Et à partir du moment où je dis oui, faites attention à l'orthographe, ils y font gaffe et puis ça ne biaise pas vraiment leur créativité. Et puis... Mais t'as senti des élèves par exemple qui en exercice, je vais dire plutôt. Standard entre guillemets était en difficulté, qu'ils avaient plus de facilité où ils y arrivaient mieux avec ta méthode d'utiliser la musique de jeux vidéo ou pas du tout ça dépend des classes. Les plus jeunes en général ont plus de mal à se mettre en... mais les plus vieux qui eux ont plus de vécu, etc., en général les plus vieux ils ont 16, 17, 18 ans voilà, mais en général les élèves plus vieux savent prendre un petit peu de recul et se lancer dedans. Oui, parce que justement, ils associent cette musique à une émotion particulière ou à un souvenir. Donc... Et puis même parfois, ils connaissent le jeu, donc ça aide. Si je prends la musique d'Assassin's Creed, certes, très très bonne, ça marche. Donc oui, ils sont là, ah monsieur, je connais ce thème-là. Oui, monsieur, tu dis pas d'où ça vient. Donc, puis il écrit, alors évidemment... Bien, parce que du coup, ça doit motiver. Ça doit motiver, j'imagine. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, j'étais un élève assez mauvais élève. C'est vrai que ça, c'est exactement le genre d'exercice... Qui aurait pu t'aider, Là, je sais que je suis capable parce que j'ai un bon imaginaire, j'aime bien raconter les trucs, je m'aime bien dans une ambiance. Je suis nul, mais ça je pourrais prendre plaisir à le faire, tu vois. Ah tant mieux. À côté de ça, il y a des élèves qui bloquent complètement sur le côté créatif. Ça, je peux pas vraiment aider. C'est dès qu'il faut créer quelque chose, ils bloquent. Oh, je n'y arriverai pas, etc. Et là, c'est un travail à faire sur le long terme. Donc, un atelier, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Il faut le faire plusieurs fois. À côté de ça, je fais d'autres parallèles en jeu vidéo. Donc, il y a mes ateliers d'écriture qui mêlent musique, passion 1 et jeu vidéo. Musique de jeux vidéo et puis mon métier, donc ça c'est cool. Mais à côté de ça, je parle de jeux vidéo en classe, non pas « Oh là là, vous avez pensé quoi du dernier Call of Duty ?» mais par exemple ici, je prends l'exemple de mes premières. Donc première, ça fait cinquième chez vous, cinquième en France. Avec mes cinquièmes, je suis en train de voir le schéma narratif. le schéma narratif, donc coucou, comment se construit un récit, etc. Il y a une paire d'années, j'utilisais des films. Malheureusement, le fossé se crée et parler du film Aladdin avec Kev Adams, j'en ai pas trop envie avec mes élèves. Hein, voilà. Donc, en gros, maintenant, j'utilise le schéma narratif, enfin, j'illustre le schéma narratif avec des scénarios de jeux vidéo. Par exemple, c'est très con, mais le premier Black Ops, il répond tout à fait à ce... au schéma narratif, et puis on peut parler du coup des récits qui sont tout à fait prévisibles, etc. Et puis voilà, très très clair, et faire le parallèle ensuite avec un texte ou avec une histoire qu'ils connaissent, etc., ça marche très très bien. Mais bon, est-ce que ça cliffe pas un peu entre ceux qui aiment bien le jeu vidéo et ceux qui en ont rien à foutre? Parce que je me dis, peut-être qu'il y a, enfin je sais que moi à mon époque, c'est pas si longtemps, mais c'est vrai que si on parlait de jeux en cours, moi, j'aurais été ultra content avec 2-3 potes, mais c'est vrai que les autres n'auraient pas suivi. Il y en a qui n'aiment pas. On essaye d'être au plus large, puisque évidemment, mais il y a énormément de jeunes qui jouent maintenant, et, y compris les filles. Donc, c'est plus facile maintenant, peut-être, ouais. Oui, donc... De toute façon, j'essaie d'illustrer au maximum, donc je vais commencer par illustrer avec bien connu, un deuxième bien connu, comme ça ils comprennent, et pour ceux qui ne jouent pas ou qui n'ont pas joué à ces jeux-là, je prends des films ultra, ultra bateaux, style Harry Potter, Les Seigneurs des Anneaux, qu'ils ont tous vus, etc. Ou bien les Hunger Games, etc. Et puis après, seulement, je pars sur la littérature, sur les extraits de texte. Ouais. Mais vraiment, j'essaye de... Pour que ça fonctionne, je parle d'un médium qui connaissent bien le jeu vidéo, puis parle d'autre chose. Et tu sens vraiment que ce support pédagogique du jeu vidéo... permet à certains de se raccrocher au wagon, certains qui étaient un peu largués peut-être par une méthode traditionnelle, de oui, se raccrocher. Quand même, parce que par exemple dans le texte argument, faire un commentaire de texte, coucou l'auteur, ce qu'il dit c'est bien, c'est pas bien. Quand on arrive chez les élèves plus vieux, il faut être honnête, c'est chiant. Mm-hmm. Ça sert pas à grand chose. Hein. Faire un texte en X paragraphes avec telle structure, etc. Particulière, il faut être honnête, et je le dis moi-même en tant que prof, ça ne sert à rien. Par contre, l'argumentation en tant que telle, savoir dire et défendre une idée, c'est important. Ça, j'aurais aimé t'avoir en tant que prof, quoi. On est tous, hein, je crois. C'est gentil. Mais à côté de ça, voilà, l'année passée, c'est pas gentil ce que je veux dire, mais c'était un peu une classe poubelle, ils étaient là parce qu'ils avaient raté dans toutes les autres sections, ils étaient en maçonnerie, ils étaient un petit peu le rebut de l'école, c'est pas cool. Je les avais eu en français, j'ai fait ce que j'ai pu, et l'argumentation, à la place de les faire sur un texte, je dis voilà, vous me prenez un jeu vidéo que vous aimez bien ou que vous aimez pas, et vous faites un texte argumentatif dessus. Vous allez me parler du gameplay, des graphismes, de tout ce que vous voulez, et vous me faites un texte argumentatif dessus. L'important, c'est qu'ils aient fait. Et ça a été leur tâche finale, et puis ça a fonctionné, parce que j'ai trouvé quelque chose qui connaissaient, donc ça leur permet quand même de sortir un peu de leur spirale de l'échec, et un peu de les sortir un peu de ça, et de quand même leur prouver qu'ils peuvent écrire des choses. Et une fois qu'ils avaient fait leur texte, parce qu'ils étaient en mode oh, je suis nul, j'y arrivais pas, et ils ont fait un texte, et quasiment tous avaient fait des textes qui étaient très corrects, je leur ai dit voilà, ça, ce que vous avez dit, hein, l'argumentation, tel point, c'est exactement la même chose par rapport à un texte avec le style de l'auteur, etc., machin tout, tralala, je vais pas vous refaire un cours de français, mais. Et à partir du moment où eux avaient vu qu'ils avaient su créer quelque chose, bien le pont s'est fait de manière beaucoup plus naturelle en fait sur le. Ils ont vu qu'ils étaient capables. Et puis. Et c'est ça le problème. Je vais pas refaire l'enseignement, mais un des problèmes actuels, c'est que les programmes et ce qu'on demande aux élèves est complètement déphasé avec la réalité de ce qu'on vit. Ouais, ça c'est sûr. Ça a toujours été comme ça. Ça personnellement déjà à mon époque c'était le cas, donc enfin. Ça, on va pas revenir là-dessus. Mais synthétiser, on peut quand même dire que donc le jeu vidéo permet quand même une bonne de sortir des gens, enfin de leur faire connaître leurs capacités dans toi, ce que tu fais le permet de leur sortir d'une sorte de spirale de l'échec. Parce que c'est les choses qu'ils connaissent, quoi. Donc ça aide ceux qui sont concernés. Ouais, voilà, c'est les choses qu'ils connaissent. Donc forcément, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont capables. Mais il faut juguler ça énormément, parce que si un élève qui dit aujourd'hui j'ai parlé de jeux vidéo avec le prof, voilà, ça fait pas très très bon genre. Mais donc il faut juguler et prendre ça comme exemple, comme support, mais pas faire des cours basés dessus. Oui, d'accord. Ça reste un support pédagogique. Ouais. Voilà, comme, vraiment comme support pédagogique. Ça peut pas aller au-delà du support pédagogique. Parce que sinon, c'est encore quelque chose qui est ancré négativement dans les esprits. Le jeu vidéo, bouh, c'est pour les enfants, bouh, c'est nul, etc. etc. On sait tous que le joueur moyen a plus que... Il a 32 ans. Ah oui, le joueur moyen, il a, elle, vieux, il a plus de la trentaine. Ouais, elle a 32 ans. Ouais, elle a 32, lui, il a 35. Voilà. Enfin, bon. Justement, donc, comme c'était le sujet de ton mémoire, ça a été pris comment, à reculons ou... Ça a été pris... Bah, ouais, mon mémoire, je l'ai fait de manière particulière. Bah, je l'ai fait la veille. À partir de ce moment-là, le prof qui est mauvais élève. Oui, non, je sais. Non, j'ai toujours tout rendu à temps, mais c'est fait ce que je dis parce que je fais quoi avec mes élèves. Mais j'ai pris des profs que je n'avais pas en cours, que je n'avais plus en cours, donc j'avais eu les années précédentes comme lecteur et promoteur de mon mémoire. Je ne sais pas comment vous dites en France, mais en gros, c'est celui qui va vraiment mettre les points et les autres qui sont là pour aiguiller. Et donc, du coup, eux, comme je les avais plus, m'avaient dit, bah écoute, si tu fais quelque chose de correct, on va te mettre tes points, tu l'auras fait tout seul, parce qu'ils ne me voyaient pas pendant l'année. Et par contre, si tu fais un truc qui est nul, bah, on va te saquer. Et en gros, il fallait rendre ça le 16 mai, je m'en souviens, parce que c'était l'anniversaire de mon père. Le 15 mai au soir, je vais me coucher à 20h, 23h, je fais une petite sieste, je me réveille, de 23h à 5h du matin, je tape, je rends mon mémoire, j'imprime, je relis mon mémoire, je le rends le jour même. Et donc, pendant ma défense, il y en avait qui avaient fait des PowerPoints chiadés dans tous les sens et tout, avec des diapos, avec des macros vraiment magnifiques. Et tout, voilà. Moi, j'avais fait ma présentation avec une craie et un tableau. Rien à foutre. C'était combien de pages ton mémoire? Il faisait quelque chose comme 80 pages plus ses annexes, quoi. Là, tu tapes vite, toi. Ah, la vache. Ah, t'avais des choses à dire, au moins. Tu savais où t'allais, t'as fait ton plan détaillé. Enfin, c'est pas l'heure, quoi, ça. et du coup, j'avais le plan à la main qui était... Donc, il suffisait de le mettre et de faire l'extension, mais... Et au final, j'ai eu mon 14 à l'écrit et mon 13 à l'oral, et puis j'ai eu mon diplôme. C'est surtout en fait que j'avais testé, pendant mes stages, enfin, pendant que j'étais stagiaire, j'avais testé cette méthode plusieurs fois. Ça marchait. Et donc du coup, je savais que ça fonctionnait, et donc j'avais plus vraiment. T'avais déjà expérimenté un peu. Ouais. Et donc du coup, je suis arrivé avec des haut-parleurs et j'ai fait faire l'atelier d'écriture à mes profs qui ont joué le jeu. Et c'est ça qui était bien. Parce qu'ils ont joué le jeu. Il y avait une prof dans le tas qui était une des profs que j'avais qui ne m'aimait pas, qui n'a pas joué le jeu, qui a dit oh, c'est de la merde et compagnie. Elle aurait pu faire en sorte que je me fasse descendre, mais au final. Mais donc, du coup, ouais. Alors, du coup, le nom officiel de ma thèse, j'ai retrouvé le fichier sous mon nez, c'était comment réaliser un atelier d'écriture basé sur la créativité, enfin je vous traduis rapidement, sur la créativité des élèves à partir de musique support vectoriel, de musique de jeu, de musique de film et de musique classique. Attends, tu l'as fait en flamand ? C'est beau. Ah non, en français. Hein. Ok, parce que tu me dis, tu traduis. Ouais, c'est pour ça. Tu les termes français. Tu les traduis, moi aussi, j'ai cru que tu l'avais fait en flamand, quoi, tu vois. Non, la pas en flamand, on s'en fout. Given Flute, tu vois. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu as des collègues profs. Enfin, aussi de français certainement et tout. Ils en pensent quoi de la méthode? Ils trouvent ça intéressant? Ils ont envie d'essayer? Ou alors ils se disent c'est bidon? C'est assez particulier parce que j'ai des collègues qui ne comprennent absolument pas où je vais. Donc ils sont là, ouais, bah, ce que tu fais, ouais, ça a l'air bien sympa, mais je préférerais faire de la grammaire pendant ce temps-là. Donc avec eux, bah, pas besoin d'en discuter. Mais il y a parfois des collègues qui se disent, ah, bah, ça peut être intéressant. Comment tu fais? Et par exemple l'année passée, j'ai une collègue qui m'a dit, bah écoute, puisque tu gères ton atelier, bah pendant une de tes heures de fourche, donc c'est une heure pendant laquelle on n'a pas d'élèves, hein, donc on a le temps, ma collègue m'avait proposé de venir avec mon PC portable et haut-parleur et de faire l'atelier dans sa classe avec ses élèves pendant qu'elle-même s'était installée à une table et faisait l'atelier d'écriture. Donc du coup, j'ai fait l'atelier complet, et j'avais utilisé plein de musique de tous les horizons, etc. pour faire vraiment un bel atelier bien complet. Et la prof l'a fait en tant qu'élève aussi, et les élèves ont bien aimé, elle aussi. Et donc du coup, elle a adoré. Du coup, elle était dégoûtée. Mais non, du coup, parce qu'elle a adopté la méthode, elle m'a dit, je le ferai avec mes autres classes. Et tu l'as mis une mauvaise appréciation. Je l'ai busé, fini. J'ai mis c'est sympa. Tu as déjà eu des inspections académiques? Je sais pas si ça existe en Belgique. C'est... Alors, j'ai déjà eu une inspection, et en général, quand on débarque, on essaie de faire un bien propre, avec la grammaire, les machins. Ouais, tu peux faire un vrai cours un peu à l'ancienne. Qu'est-ce que je disais, merde? Ah oui, non, pendant mon inspection, en fait, donc j'ai un inspecteur qui est venu et c'était un vendredi, je travaillais dans le spécialisé. Le vendredi, je faisais, je faisais du théâtre avec mes élèves. Donc je faisais une activité théâtrale, de l'improvisation, puisque j'ai fait un petit peu d'improvisation. Et en gros, l'inspecteur est arrivé, je lui ai filé mon cours, puis j'ai fait mon atelier théâtre avec mes élèves. Puis lui, il débloquait, je pense qu'il n'avait jamais vu de prof de théâtre en classe quand il était là. Enfin, je voulais savoir que ça se faisait, mais voilà, moi, je n'avais pas modifié. Les autres n'ont pas osé. Et donc, il y avait mon directeur et mon inspecteur qui étaient dans le fond de la classe, pendant que je fais le théâtre avec les élèves. À un moment donné, il manquait un personnage. J'ai demandé à mon directeur de venir. pour mon père qui est en train d'écouter, parce qu'il vient d'envoyer un message, c'était Slimani qui m'avait demandé. Enfin, j'avais demandé à Slimani de venir. Enfin, voilà. Et mon directeur est venu, il a joué le jeu, l'inspecteur était ravi, quoi. Il m'a mis un rapport exceptionnel. Voilà, j'étais très content. Mais bon, à côté de ça, j'ai un cours. C'était bien reçu. J'ai eu énormément de textes, etc. Ton père était prof de français aussi ? Mon père était prof de morale. De morale. Ah oui, c'est vrai qu'il était. Dans l'ancien temps, prof de morale, d'accord. Et je suis moi-même aussi prof de morale. Il y a toujours, en Belgique la prof de morale, d'accord. C'est fou ça. Alors en fait, d'accord. Par contre, autant la France est un pays qui est soi-disant laïque, la Belgique est un pays catholique, puisque c'est la religion du roi. Il y a des cours de religion catholique à l'école. À côté de ça, en opposition, il y a des cours d'autres religions, bah, pour ceux qui seraient d'une autre confession. Hein, pour les athées, t'as la même. Cours de religion. Est-ce qu'il y a des cours de religion du pataïsme, c'est-à-dire ceux qui aiment les pâtes. Le pastafarisme, voilà, c'est ça. Voilà, non, il y a pas. Mais par contre, en opposition à ceux qui ne seraient pas croyants ou dont les parents s'en foutent complètement, il y a le cours de morale qui se situe en gros. Je dis en gros parce que vous expliquez le principe du cours de morale comme ça. Personnellement, je pense pas qu'on va passer un podcast à parler du cours de morale en Belgique, mais je pense qu'on peut quand même faire un point. Donc c'est-à-dire que le jeu vidéo en tant que support éducatif, c'est quand même une chose qui marche bien. On est d'accord là-dessus. Mais comme je disais, il faut juguler et pas bazar. Il faut juguler, il faut pas s'en servir. Il faut s'en servir que comme support. C'est pas comme voilà. Support, vraiment comme support. Voilà. Comme support éducatif. C'est des choses qui marchent bien avec des élèves qui étaient quand même un peu en difficulté. Quand tu leur parles de choses qu'ils connaissent, ils y arrivent quand même mieux. C'est pour les remotiver tout simplement. Ou pour les remotiver, etc. Donc ce serait quand même une chose. Cher ministre de l'Éducation nationale, à travailler en France. Hein, très bien, je prends. Voilà. Je pense qu'on peut quand même s'arrêter là-dessus en disant que voilà, c'est une chose à travailler, c'est une chose qui est un support qui est intéressant. De toute façon, dès que tu parles de choses qui intéressent les jeunes, de toute façon, c'est une chose dans laquelle ils s'impliquent. Donc forcément... C'est dans l'air du temps, surtout. Voilà. Parce qu'à l'époque, on parlait que des bouquins à l'école, après on parlait du cinéma. Moi, je vois, quand on parlait d'Émile Zola, Germinal, voilà, bon... voilà, tu vois. Oui, je sais, j'ai 33 ans, je suis vieux. Bref. J'ai juste ajouté une dernière chose pour ceux qui seraient, ah là là, il a l'air cool et tout. De temps en temps, bon, ça se fait de plus en plus rare, parce que comme j'ai dit, l'école dans laquelle je suis n'est pas très motivante à ce niveau-là. Mais de temps en temps, ça m'arrive de prendre une guitare avec à l'école et de faire des ateliers d'écriture avec la musique que... Oh là là, le prof rêvé, quoi. Un truc que je faisais qui marchait très très bien, si vous connaissez la Tristitude d'Oldelaf, c'est très cool comme chanson. Oui. C'est Alexandrin, ça rime. Vous prenez les couplets hein, de trois phrases plus et ça fait mal. Et ben vous leur dites voilà, il faut des phrases de huit syllabes qui riment sur des trucs cons de la vie de tous les jours. Vous faites ça de votre côté et à la fin on chante tous ensemble. Et ça marche à fond. Il faut y arriver quoi. Il faut qu'ils jouent un petit peu le jeu. Et ici, ben, comme je disais, dans cette école c'est un peu chaud. Mais dans les écoles précédentes, partout où j'ai travaillé, je l'ai fait et ça marchait très très très bien quoi. D'accord. Et puis voir les élèves chanter, c'est magique. Puis déjà voir les élèves voir leur. Du moment que c'est pas avec une flûte à bec. Oh quelle horreur. Oui. Bref. Non, c'est les cours, c'est les. Musique dans une école. C'est ça, c'est les cours de musique en France avec une flûte à bec. Ouais, je crois qu'on a tous été traumatisés par ça, je crois. Non, j'ai pas eu ça, moi, j'ai pas eu. Ah bah t'as eu de la chance. Pas dommage. Eh ben, c'était très intéressant ce thème du jeu vidéo et comme support éducatif. Mais faut qu'on avance parce qu'il est déjà 22h39. On est en retard déjà. Donc je vais vous demander qu'on fasse les recommandations très rapidement. Et je vais balancer un petit jingle et on fait ça très rapidement. Ah, Jingle de qualité. Allez. Et voilà, oui, je dois avouer que sur celui-là, je remue mon bouti. Vraiment. merci. Donc, on va passer, on se dépêche, on fait ça rapidement parce qu'il est déjà 22h40. On est un peu beaucoup à la bourre. Donc, on fait chacun des recommandations. Je vais vous demander d'être rapide, s'il vous plaît. Sur vos recommandations, bah, honneur à l'invité. Ruxo, bah, est-ce que tu aurais une recommandation à nous conseiller? Et bien sûr, le label Listenable, Rick, label qui s'occupe principalement du métal, en ce moment, il y a 500 exemplaires collector des vinyles de Gojira, qui est un groupe de métal français. Et donc, les albums The Link, From Us to Sirius et The Way of All Flesh sont disponibles à seulement 500 exemplaires chacun, et ce sont des bombes musicales monstrueuses. Donc, moi, j'ai mes exemplaires. D'accord. Qui sont arrivés, et c'est du très très bel objet. Et en plus, ça dépote. Ok. Donc, pour tous les fans de métal, allez-y. Ça dépote. Gérald, s'il te plaît, à toi. Dis-moi, quelle est ta recommandation pour cette semaine? Alors, moi, je voulais recommander le Sculpteur de Scott McCloud. C'est paru l'année dernière, en mars 2015, aux éditions Rue de Sèvres. Ça raconte... Déjà, alors, juste pour dire, Scott McCloud, c'est un Américain de 55 ans qui est réputé, pour être un théoricien expert de la bande dessinée. D'accord. Il avait juste publié 3 livres qui sont L'Art Invisible, Réinventer la bande dessinée et Faire de la bande dessinée, qui sont 3 œuvres qui expliquent la bande dessinée. Hein, c'est des bandes dessinées qui expliquent les concepts de la bande dessinée. D'accord. Et concernant je ne sais pas qui est en train d'envoyer du papier là, s'il te plaît, merci. Ouais. Alors, donc la BD, ouais. Voilà, concernant le sculpteur, il s'agit donc la première œuvre de fiction de Scott McCloud en 20 ans de carrière, et il a mis 5 ans de travail à le rédiger. D'accord. Et c'est un roman graphique en fait qui se passe de nos jours à New York et raconte l'histoire de David Smith, un jeune qui a une trentaine d'années et qui a connu son heure de gloire en tant que sculpteur auprès de plus grandes galeries d'art. Seulement, maintenant, le succès n'est plus au rendez-vous, il est tombé dans l'oubli, il se retrouve seul, d'accord. Famille. Je vais te demander d'aller vite, ouais, donc ok, ouais. D'accord. Bah ouais, parce qu'il est déjà 22h42, il est déjà 22h42, on est à la bourre. Ah ouais, on a la bourre. Mais la pression de ouf. Bah oui. Ça reste ça, je me suis dit, faut vraiment que je monte le truc et tout, c'est exceptionnel et tout. juste pour dire que c'était une revisite du mythe de Faust, voilà, peut-être que vous connaissez encore. D'accord. Je ne connais pas du tout. Voilà, donc tu peux rappeler comment ça s'appelle et c'est à quelle édition, s'il te plaît? Et l'éditeur, c'est je sais plus, j'ai oublié, tu me perturbes. Je suis désolé, mais faut qu'on speed. On est à la bourre. Et Gauthier, bon, s'il te plaît, quelle était ta recommandation pour cette semaine? Moi je voulais vous recommander un jeu vidéo de sport, une fois n'est pas coutume. Ah. Un free to play, même carrément, on se fait plaisir. Le truc de ski! Exactement, c'est ouais ça. Ouais, j'y ai joué, il est trop bien. J'y ai joué, il est trop bien. C'est sympa, c'est gratuit, et il y a de la neige, et ça coûte moins cher. Le nom, ça s'appelle comment? Snow. Neige. Ça s'appelle Snow, c'est sur Steam, c'est gratos. Ouais. Faut juste... Voilà. C'est sympa, le moteur physique est juste un peu pété, mais c'est super sympa, franchement, ouais, je le conseille aussi. Il y a du online, Ouais. Il y a des domaines gigantesques, tu peux skier comme tu veux. Il n'y a pas de snow, c'est un peu dommage. Enfin, ouais, de snowboard, je veux dire. Mais oui, c'est un peu genre en early access, mais franchement, je le conseille à tous, c'est canon. C'est canon. Déjà fini. Ouais. Acheron, s'il te plaît, quelle est ta recommandation pour cette semaine? Alors moi, je vais recommander Art Ludique, le musée. Alors depuis septembre, et c'est là jusqu'à 6 mars, donc il vous reste une dizaine de jours pour visiter l'expo actuelle qui est L'Art dans le jeu vidéo, l'inspiration française. Vous pourrez voir très bonne exposition, je l'ai vu, très bonne exposition. Vous avez en gros une huitantaine d'œuvres qui sont exposées. C'est réparti en 7 sections qui sont regroupées par thématique. Ça va être sur les outils de travail, sur l'architecture des villes contemporaines, l'invitation au voyage, le récit, etc. Et ce que je vous conseille, c'est de prendre aussi l'audio guide qui va avec, parce que vous apprenez plein d'anecdotes avec ça, comme par exemple le fait que les adultes dans Soldats Inconnus et tous le regard caché, soit par une frange, un casque, etc., pour montrer qu'ils se voilaient la face à l'horreur de la guerre, alors que les enfants, par exemple, avaient plus un regard innocent sur les événements. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Il y a pas mal d'écrans vidéo sur lesquels vous allez pouvoir voir des interviews de directeurs artistiques, de sculpteurs, etc. Et la petite attraction qu'il y a dedans, c'est un écran géant incurvé sur lequel est diffusée une balade dans le Paris de Assassin's Creed Unity en taille réelle. Donc vous mettez en plein milieu debout devant ça et ça vous fait une petite balade en réalité virtuelle sans casque, tranquillou. Voilà. Très très bonne exposition, je l'ai vu aussi, donc c'est au musée des arts ludiques, c'est Paris quoi, 3e. Alors, c'est 34 quai d'Austerlitz à Paris. C'est ça. Et ça coûte combien? Et voilà. Pardon, ça coûte une vingtaine d'euros l'entrée, un truc. Non, un peu moins. C'est il est à 15,50 l'entrée. Voilà. D'accord. Ils ont fait Pixar, Studio Marvel, Ghibli, etc. Ouais. La prochaine exposition, ce sera sur Studio Blue Sky qui a fait entre autres. C'est vraiment une exposition très intéressante. Je l'ai vu aussi. Franchement, aussi pareil. Je la conseille. C'est vraiment très intéressant avec pas mal d'œuvres de studios français. Donc l'art dans le jeu vidéo français, c'est vraiment très intéressant. Il y a du Ubisoft, du Quantic, il y a du Focus, il y a du Spider, enfin il y a du, c'est vraiment très intéressant. Pratiquement tous les studios français sont représentés. On le conseille à tout le monde. Happy Meal, dis-moi quelle était ta recommandation pour cette semaine, s'il te plaît. Oui, alors c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Ultra Brillante, et particulièrement la playlist Other Places. C'est créé par Andy Kelly, qui est un journaliste anglais du magazine PC Gamer. En fait, le concept de la playlist, c'est une série de vidéos qui en gros célèbre la beauté des univers dans les jeux vidéo. Globalement, c'est 5 minutes de paysage et de lieux dans la totalité d'un jeu, avec les plus beaux points de vue, les plus belles lumières, ce genre de choses, avec en fond un des thèmes ou alors le thème musical principal du jeu. C'est assez superbe, ça met en avant le travail des environnement artistes, des level designers, des lighters, des modélisateurs, etc. On a par exemple Skyrim, The Witcher 3, Far Cry, The Witness, Elite Dangerous. Il y a une soixantaine de vidéos en tout. Donc en fait, voilà, on capte les ambiances, les couleurs, la volonté des artistes et les émotions qu'ils ont voulu nous transmettre. C'est vraiment une sorte de diapo un peu zen, en fait, avec les paysages et tout. Un peu comme voilà. Polygon Fragment, en fait. Bien peu de ça, ouais, effectivement. Tu vois, c'est vraiment une très belle chaîne, c'est très joli. Voilà, quand on passe dans un endroit, dans un jeu où il y a une bonne lumière au bon moment, avec la bonne teinte qui passe entre les feuilles et tout, souvent c'est pour une raison bien spéciale, en fait, ça met en avant ces petits moments-là. Et donc ça regroupe tous ces jolis endroits. Donc voilà, je vous rappelle, donc la chaîne c'est Ultra Brillante, donc Other Places, la playlist. Brillante, comment en français, brillante quoi. Non, c'est brillante en anglais. Ah Ultra d'accord. Brillante. D'accord. Brilliant. Brilliant. Voilà, c'est vraiment très joli. Ouais. Et puis ça aide aussi à nous rappeler que voilà, le jeu vidéo c'est un travail de groupe et c'est la fusion de plein de talents et de connaissances différents qui donne vie à tous ces univers qu'on aime. D'accord. D'accord. Ah, ça a l'air très cool. On mettra le lien de toutes ces recommandations. Sur la VOD, sur le podcast de SoundCloud. Moi, je sais même pas si je vais faire une recommandation, tellement on est à la bourre, mais je vais le faire vite fait. Je recommande le jeu vidéo Firewatch. C'est très bien. C'est une sorte de film interactif qui dure 3-4 heures. Les dialogues sont superbement écrits, une histoire magnifique. Bon, après, faut aimer les jeux de balade. Mais c'est magnifique, je le recommande à tous. C'est un petit peu cher pour la durée de vie, mais si vous le trouvez en solde, prenez-le, c'est de la balle. Très bien. Il y a un Ultra Brillante sur le jeu d'ailleurs. C'est très joli. Je l'ai fait cette semaine, c'est magnifique, c'est Firewatch, c'est superbe. J'en ai eu les larmes aux yeux à la fin du jeu, c'est pour vous dire. Voilà. Oh. Oui, je vous le dis. Oui. Bon, et c'est ainsi que se termine ce podcast numéro 2 du podcast de loisirs numériques. On était un peu à la bourre, hein. On a débordé de 20 minutes. Il y avait tellement de choses intéressantes. Ah, et c'était vachement intéressant, évidemment. Et on a débordé de 20 minutes, on va essayer de pas se faire engueuler par Michael Newton qui à chaque fois nous dit c'est dépassé 1h30, c'est trop long. Hein, on se fait chier quand même. Un peu montage. Ouais, mais là au moins c'était un podcast vachement intéressant. Plus c'est long, plus c'est bon. Oui. Enfin, ça dépend, une petite je voudrais remercier d'ailleurs Rouxos qui était avec nous comme premier invité qui a inauguré ce podcast pair, parce que oui, c'est les podcasts, tous les podcasts pairs vont être avec des invités. Je voudrais te remercier, Rouxos, merci d'être venu. Dans deux semaines, on recevra un podcast. C'est très, très c'était très intéressant. Je voudrais remercier donc Gauthier. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Gérald, merci d'avoir été là aussi. Merci à tous. Achetez le sculpteur. Ouais. Akeron, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Ouais. Et en dernier, je salue mon fidèle lieutenant Happy Meal. Qui était là avec moi. Merci au chat. Faites des dons sur Loisirs Numériques. Voilà, faites des dons à Loisirs Numériques. On rappelle Loisirs Numériques, loisirsnumériques.org. Le compte Twitter Loisirs Numériques, @loisirsnumériques. Le compte Twitter du podcast, c'est @podcasthélène. Juste pour dire aussi qu'il y aura bientôt un Granola Tournament. On vous donnera plus d'informations dans le prochain podcast. Parce qu'on devrait avoir toutes les infos, le lieu, la date, etc. D'ici le prochain podcast. Ça va doser. Ouais, ça va doser du Street 5. Je rappelle que le Granola Tournament, le cash prize, c'est un paquet de granola. D'ici là, je vous souhaite de faire des gros bisous à vos êtres bien-aimés. Je vous souhaite aussi de faire des bonnes actions, de doser des jeux vidéo, de faire plaisir. J'ai déjà dit faire plaisir aux gens que vous aimez. J'ai déjà dit, je ne sais plus, il est tard. Je me perds dans ce que je veux dire. On vous fait à tous des bisous. On vous dit à dans deux semaines. Dans deux semaines, un podcast normal comme tous les numéros impairs où on parlera jeux vidéo, mais sans invité cette fois-ci. Hein, sans invité. Oh bah oui. Ah, mais il y aura un débat à la place. Il y aura un débat à la place. Je peux vous dire que le débat sera chaud. Oui. On a déjà le thème. Le débat sera chaud. Et je peux vous dire aussi que dans un mois, le prochain invité du podcast sera le président de l'association Michael Newton, qui est là, qui nous a certifié qu'il viendrait pour une fois. Il me l'a certifié, il a dit « je serai là ». Donc, on l'attend avec pression, on lui mettra la pression. On parlera évidemment de l'association, de tout ce qu'on va faire, du Desertbus, des radios, des rencontres vidéoludiques, etc. Je vous dis à tous une bonne soirée. À la prochaine et je vous dis dans deux semaines. À ciao, ciao, ciao. Salut, salut. Salut. Salut. Ciao, ciao, ciao. Bon, ciao. Rachido.